L'orpheline de Moscou. Mark Endan, wordpress.com. D'après les archives du Carmel de Lisieux en ligne. Licence Creative Commons, partage à l'identique, usage non commercial. L'orpheline de Moscou. L'héroïne du roman est connue chez les Martins sous le titre de « L'orpheline de la Bérésina » par Madame Wauyer, W.O.I.2.L.O.Z., 10e édition, Tours, même imprimeur libraire 1852. Première partie, chapitre 1. Lorsque, abusés par la victoire, les Français entrèrent à Moscou, le 14 septembre 1812, ils ne trouvèrent dans cette vaste cité qu'une effrayante solitude, qui fut comme le présage de tous les revers, dont ils allaient être accablés. À leur approche, les habitants avaient déserté leur demeure, et le petit nombre de ceux qui n'avaient pu prendre la fête, s'étaient réfugiés dans les caves, ou dans les immenses souterrains au-dessus desquels s'élève l'antique palais du Kremlin. Ce fut pendant une sombre nuit que l'armée victorieuse fit son entrée dans cette ville déserte. Aucune lumière n'éclairait sa marche silencieuse, autour d'elle tout était calme comme le tombeau. Harassés de fatigue et de souffrance, les soldats, consternés, n'avancent qu'avec crainte au milieu des épaisses ténèbres qui les environnent. En ce moment lugubre, chacun d'eux reporte avec tristesse sa pensée vers la France, vers cette France chérie, dont 700 lieues le séparent, où toutes ses affections, toutes ses sympathies le rappellent, et que peut-être il ne reverra plus. À la suite de cette armée, menacée de tant de désastres, venait un grand nombre de blessés, qui tombaient d'épuisement sur le seuil des habitations. Un de ces infortunés, resté en arrière, marche péniblement, appuyé sur le bras d'une femme qui, portant ses armes et leur commun bagage, semble oublier sa propre fatigue pour ne s'occuper que de lui. « Prends courage, mon Antoine, » lui dit-elle d'une voix émue, « le régiment ne peut être loin, bientôt nous le rejoindrons, et nous trouverons une ambulance. » Mais, quoi, il tombe, il ne me répond plus. Mon Dieu, que devenir au milieu de cette obscurité? Le blessé, en effet, s'est laissé tomber sur le sol, il n'a plus la force d'articuler un seul mot, et la pauvre femme se désespère à ses côtés. Tout à coup, jetant autour d'elle ses regards éperdus, elle croit apercevoir une faible clarté dans une maison, saisissant aussitôt le fusil qu'elle avait déposé contre le mur, elle frappe à la porte à coups redoublés, et implore du secours d'une voix lamentable. « Qui êtes-vous, que voulez-vous ? » demande timidement quelqu'un en entr'ouvrant une croisée. « Je suis française, » répond l'infortunée, « et mon mari se meurt à quelques pas de votre maison. Au nom de Dieu, prenez pitié de lui, ne nous refusez pas votre assistance. » Au même instant plusieurs lumières s'agitent, la porte s'ouvre, et une femme de 38 ans environ se présente, suivie d'une jeune personne charmante. Tous deux sont pâles, et semblent agités de crainte, mais à la vue du blessé elle ne songe plus qu'à lui prodiguer des secours, et l'invite, dès qu'il est en état de se relever, à entrer dans leur demeure. « Que le ciel vous récompense, » dit le brave militaire en regardant la plus âgée des deux dames. « Vous êtes française, je crois ?» C'est à une compatriote que je dois la vie, ma femme et moi nous ne l'oublierons pas. Oh, non, reprend vivement cette dernière, nous ne sommes que de pauvres gens, mais nous avons du cœur pour reconnaître un bienfait, et le vôtre, madame, ne s'effacera jamais de notre mémoire. Celle à qui s'adresse à ces naïves expressions de reconnaissance était française en effet, et goûtait en ce moment un vif plaisir à les entendre dans sa langue naturelle. Il faut avoir vécu loin des lieux qui nous ont vus naître, il faut avoir éprouvé la tristesse qu'inspire la terre étrangère, lorsqu'on est forcé de l'habiter, pour comprendre quelle sorte de charme, est attaché aux accents d'un compatriote, ces accents sont pour l'unique comme une délicieuse harmonie, qui la pénètre des plus douces émotions, il lui retrace des souvenirs d'affection et de bonheur, qu'elle cherche vainement autour d'elle. Madame Obinski, c'est ainsi que se nommait la dame compatissante, était née à Paris, et résidait à Moscou depuis son mariage avec un célèbre médecin russe, qu'elle avait eu le malheur de perdre récemment. Une fille, à laquelle elle avait transmis toutes ses vertus et les talents distingués qu'elle possédait elle-même, faisait son unique consolation sur cette terre glacée de la Russie, où les enfants de notre belle France, ont tant de peine à s'acclimater. Seule, sans appui, avec cette fille si chère, Madame Obinski, au milieu des calamités que la guerre apportait à Moscou, avait eu un moment la pensée de fuir en même temps que les habitants de cette ville, mais son titre de française l'ayant fait délaisser par tous ceux qui pouvaient l'aider dans sa fuite, et même par les gens qui étaient à son service, elle n'avait vu d'autre remède à cette cruelle situation que de se renfermer chez elle avec sa Juliette. Espérant que le ciel daignerait leur accorder la protection que les hommes leur refusaient. La jeune fille même, l'avait encouragée dans cette espérance, car, bien qu'elle n'eût pas encore atteint sa 18e année, elle montrait au milieu de leur triste abandon, une force de caractère et une résignation fort au-dessus de son âge. C'était une de ces organisations que le malheur mûrit promptement, et auxquelles il donne une énergie nouvelle. Madame Obinski, en formant le cœur de sa fille, avait eu soin d'ailleurs d'y faire germer de très bonne heure les principes religieux qui font la force du vrai chrétien, et sans lesquels il ne saurait y avoir de solide vertu. Dès sa plus tendre enfance, Juliette avait appris à s'appuyer sur Dieu dans toutes les circonstances de sa vie, et la plus tendre piété s'était confondue dans son cœur avec les sentiments affectueux qu'elle portait à sa famille. Douée d'une exquise sensibilité, elle ne se montra pas moins empressée que sa mère pour le soulagement du pauvre blessé, et la femme de celui-ci ne pouvait se lasser d'admirer avec quel zèle, quelle charité active, cette jeune fille semblait se multiplier pour secourir des infortunés qu'elle n'avait jamais vus, et dont la position sociale était si inférieure à la sienne. Après avoir donné à leurs nouveaux hôtes tous les soins que réclamait leur situation, après les avoir établis dans une chambre bien chaude, où le blessé trouva un excellent lit, la mère et la fille se retirèrent dans leur appartement, bénissant la providence de les avoir mis à même de faire cette bonne œuvre. Ni l'une ni l'autre n'était disposée à se livrer au repos, car les événements de cette nuit leur causèrent une vive agitation. Madame Obinski surtout ne songeait, qu'en frémissant à tous les dangers qui les environnaient dans cette ville abandonnée, qu'une armée ennemie venait d'envahir. Pressant sa fille dans ses bras, et ne pouvant plus lui cacher ses alarmes, elle dit, « Je crains, ô ma Juliette, que le moment des plus cruelles épreuves ne soit arrivé pour nous. Peut-être ne t'ai-je pas assez prémunie contre elle, et pourtant c'est en connaissant le péril, c'est en sachant l'envisager avec calme, que l'on parvient souvent à s'en garantir. Quelque chose qui advienne, et nous pouvons tout craindre eux-mêmes. Il y a de cette armée conquérante, promets-moi de ne pas te laisser dominer par la peur. La faiblesse de notre sexe n'exclut pas le courage moral, surtout quand nous le puisons dans notre confiance en Dieu. Souviens-toi que si ce Dieu de bonté permet que ses enfants soient éprouvés sur la terre, c'est afin d'exercer leurs vertus, pour les rendre plus dignes de lui, mais qu'il ne cesse jamais d'étendre sa main protectrice sur ceux qui le servent avec fidélité. Attentive aux leçons de sa mère, Juliette lui promit, en la comblant des plus douces caresses, de ne jamais les oublier. N'ayant toutefois nulle expérience des dangers dont on lui parlait, il lui semblait que cet tendre merci les exagérait un peu, et sa sécurité avait quelque chose de si naïf, de si touchant, que Madame Obinski n'eut pas le courage de la détruire entièrement en lui faisant une peinture trop effrayante des maux qu'elle redoutait. Renfermant donc au fond de son cœur ses tristes pressentiments, elle engagea Juliette, après cet entretien, à se livrer pendant quelques heures au sommeil, et passa le reste de la nuit à réfléchir sur le parti qu'elle devait adopter. L'idée lui vint d'écrire à quelque chef de l'armée pour lui demander de prendre sous sa protection la maison qu'elle habitait. Elle n'avait d'autre titre pour obtenir cette faveur que d'être veuve et française, mais elle pensait que ces deux titres suffiraient pour intéresser un homme d'honneur, et elle se mit à écrire sa lettre, espéra. Que la femme du militaire lui indiquerait le chef auquel elle devait l'adresser, et consentirait peut-être à la remettre elle-même. Dès que le jour parut, cette dernière vint réitérer ses remerciements à ses deux bienfaitrices, et leur annoncer que son mari, grâce à leurs charitables soins, était dans l'état le plus satisfaisant. « Puisque vous avez eu la bonté d'accueillir un pauvre blessé, dit-elle à Madame Obinski, vous ne me refuserez pas de veiller sur lui pendant que j'irai donner de ces nouvelles au régiment. Il ne faut pas que l'on croie que mon Antoine est parmi les morts, il est d'ailleurs nécessaire que l'on sache, qu'il y a ici des Françaises compatissantes, qui ont sauvé la vie d'un brave sergent de la garde impériale. Notre général est aussi un brave, lui, c'est le plus respectable, le meilleur des hommes, il nous aime, Antoine et moi, parce que l'un et l'autre ne manquons ni d'honneur, ni de courage, et vous verrez qu'il reconnaîtra, ce que vous avez fait pour nous, en vous protégeant contre toute insulte. Cette femme, en effet, quoique simple cantinière, jouissait d'une grande considération dans le régiment de son mari. On savait qu'elle n'avait embrassé sa profession que pour n'être pas séparée de son Antoine, et ce noble dévouement, la pureté de ses mœurs, le courage, l'humanité dont elle avait donné les preuves les plus éclatantes dans toutes les occasions, lui avaient obtenu l'estime générale et la faveur des chefs. Marianne, c'est ainsi que se nommait la femme du sergent, était alors âgée de plus de 40 ans. Les fatigues et les maux de toute espèce qu'elle venait d'éprouver durant cette campagne avaient singulièrement altéré ses traits, mais son énergie naturelle lui donnait encore l'apparence d'une grande agilité, et l'ensemble de sa figure portait un tel cachet de franchise et d'honnêteté, qu'il était impossible de la voir sans se sentir prévenu en sa faveur. Lorsque Madame Obinski lui montre la lettre qu'elle venait d'écrire, elle consentit avec empressement à s'en charger, et s'éloigna ensuite, non sans remercier de nouveau cette dame, et lui recommander son cher Antoine, dont la guérison ne dépendait plus que de quelques jours de repos. Chapitre 2. Les guerres commencent par l'ambition des princes, et finissent par le malheur des peuples. Barthélemy, voyage d'Anna Charcy. Déjà plusieurs heures s'étaient écoulées depuis le départ de Marianne. Tout jusqu'alors était resté paisible dans la rue qu'habitaient Madame Obinski et sa fille, et elle commençait à se rassurer, lorsque tout à coup des cris sinistres, le feu, vinrent porter dans leur âme une terreur profonde. Le feu était, en effet, peu éloigné de leur habitation. Déjà il avait éclaté à 2 heures du matin dans plusieurs autres quartiers, et n'avait pris d'abord qu'un faible essor, mais peu à peu les incendiaires russes se rapprochèrent du centre de la ville, ils jetèrent des matières inflammables dans les maisons abandonnées, quels que fussent les efforts des Français pour s'opposer à leur dessein, et ils parvinrent ainsi à étendre sur plusieurs points de la malheureuse cité l'affreux désastre qui devait consommer sa ruine, elle. Ceux des habitants qui étaient restés cachés, sortirent alors de leur retraite, et assistèrent à cette grande catastrophe en se croisant les bras, avec la morne impassibilité du désespoir. Au premier cri d'alarme, Madame Obinski et Miette montèrent, éperdues, sur une terrasse qui dominait leur maison, pour s'assurer de quel côté venait le péril, mais une odeur suffocante et une pluie de feu, les obligèrent à redescendre aussitôt, l'embrasement était près d'elles, encore quelques instants, et il allait les atteindre. Que faire, que devenir, s'écria la malheureuse mère regardant sa fille, avec un horrible déchirement de cœur. Tel était l'acharnement que cet homme, aveuglé par la vengeance, qui n'épargnèrent pas des bateaux chargés de grains d'avoine et autres denrées, qui se trouvaient en grand nombre sur la Moscova. Tout furent consumés, et s'abîmèrent dans les eaux avec un effroyable pétillement. « Du courage, maman, répond cette dernière, vous me l'avez dit, Dieu n'abandonne pas ses enfants. » Se mordant à l'infortuné la force, dont elle a besoin pour supporter cette épouvantable crise. Ramassant à la hâte des diamants d'un assez grand prix, les papiers et l'or qu'elle possède, elle fait de part de ce dernier objet, en prend une, donne l'autre à Juliette, et allant ensuite vers la chambre du blessé, qui, malgré sa faiblesse, s'était levée au premier cri. « Venez, lui dit-elle, je ne sais où nous irons, la mort, une mort affreuse nous menace de tous côtés, mais nous essaierons du moins de la fuir. Venez, hâtez-vous, ma fille et moi, nous soutiendrons vos pas. » Tous deux alors emmenèrent le pauvre militaire, puis, jetant autour d'elle un triste et dernier regard, elle s'éloigne enfin de cette maison où Juliette a vu le jour, où sont attachés les plus doux souvenirs, et qui bientôt n'offrira plus qu'un monceau de ruines. Mais cette pensée douloureuse s'efface devant les périls qui les environnent, déjà l'air est embrasé, déjà on ne respire plus au milieu des ardentes fournaises, que présentent les diverses rues qu'il faut parcourir. Entravés à chaque instant dans leur marche par la chute des décombres enflammés, et par la faiblesse de leurs compagnons, les deux malheureuses femmes n'avancent qu'avec une lenteur désespérante. « Quittez-moi, quittez-moi, leur dit le brave sergent, je puis affronter la mort, mais vous, madame, mais cette jeune personne. Ah, fuyez, je vous en conjure. » En même temps il cherche à se dérober à l'appui de ses généreuses conductrices, qui, ne pouvant se résoudre à l'abandonner, s'efforce de l'entraîner malgré lui. Bientôt, épuisées l'une et l'autre, elles semblent hors d'état de poursuivre leur route, et c'est alors le pauvre blessé, qui les soutient et les entraîne à son tour. Mais plus il avance, plus le péril grandit, le feu, comme un torrent dévastateur, envahit toutes les rues environnantes, et nul espoir de salut ne restait à ces trois infortunés, quand tout à coup il verra courir vers eux, à travers les flammes, Marianne, l'héroïque Marianne, suivie de deux militaires. « Sauvez votre sergent, crie-t-elle à ces derniers, je me charge des deux dames. » Les prenant alors chacune par le bras, elle les guide à travers l'incendie avec un admirable sang-froid, cherchant à éloigner d'elle tous les périls, et veillant en même temps sur son Antoine, qu'elle ne perd pas de vue d'un seul moment. Enfin ils sont tous arrivés sains et saufs sur une vaste esplanade où il leur est permis de respirer. Juliette se jette sur le sein de sa mère, et tous deux se tiennent embrassés pendant quelques instants, sans pouvoir exprimer ce qu'elle s'éprouve. « Allons, ne nous attendrissons pas, dit Marianne, nous avons encore besoin de courage. » Pauvre dame, il faut que vous me suiviez, car vous ne serez nulle part en sûreté dans cette ville vouée à la destruction. Rassurez-vous cependant, vous aurez un asile, j'ai aperçu, non loin du camp où nous allons, quelques chaumières abandonnées, c'est là que je vais vous conduire, vous y serez du moins à l'abri du danger, et Antoine et moi nous partagerons avec vous le peu que nous aurons. Juliette et sa mère remercient la digne femme, et la suivent le cœur gonflé de sanglots. Hélas, quelques instants auparavant, elles étaient entourées de toutes les douceurs de la vie, elles avaient une riche habitation, où elles pouvaient exercer une généreuse hospitalité, et maintenant il ne leur reste d'autre refuge qu'une misérable cabane, où la pitié devra fournir à leur subsistance. « Ma fille, ma pauvre enfant, » disait Madame Obinski, tandis que Juliette lui pressait la main avec une indicible expression de tendresse et de douleur. Cherchant à les distraire, Marianne leur raconta ainsi qu'à son mari, qui les suivait, appuyé sur les deux soldats, ce qui lui était arrivé depuis le matin. « Quand je vous quittais, leur dit-elle, je crus pouvoir rejoindre le régiment qui devait bivouaquer près du Crémien, mais j'appris qu'ayant reçu contre-ordre, il était commandé pour aller camper sous les murs de Moscou. Il fallait le chercher, cela me prit du temps, enfin je le trouvai, je vis notre général, je lui remis la lettre dont je m'étais chargé, et j'obtins aussitôt de lui un mot pour le maréchal commandant la place, afin qu'il protégeât la maison où nous avions trouvé asile. Deux soldats de la compagnie furent chargés de me suivre pour prêter assistance aux besoins, car on savait alors que des hommes stipendiés cherchaient à incendier la ville. Le cœur palpitant de crainte pour moi Antoine, et pour nos chères bienfaitrices, continue la bonne femme en regardant les deux dames, je me hâtai donc de retourner sur mes pas, et je résolus, quelle que fût mon inquiétude, de me rendre d'abord chez le commandant, mais en entrant dans Moscou je vis le feu éclater sur plusieurs points, alors, ne songeant plus qu'au danger que vous pouviez courir, je volai vers la maison. Nous eûmes toutes les peines du monde à y arriver, quoique le feu ne l'eût pas encore atteinte. Ayant inutilement frappé, nous enfonçâmes la porte, et je ne saurais vous dire ce que j'éprouvais en ne vous y trouvant plus. Ne perdant pas courage cependant, et pensant que vous aviez pris tous les trois la route du Crémien, où Antoine savait que j'avais dû me rendre, je me mis sur vos traces avec ces braves gens, et le bon Dieu guida nos pas, puisque nous eûmes le bonheur de vous rencontrer. M. Binsky avait écouté Marianne avec le plus vif intérêt, car le récit de cette excellente femme peignait à la fois l'énergie de son caractère et la bonté de son cœur. « Vous nous avez appelé vos bienfaitrices, lui dit cette dame, c'est nous, au contraire, qui avons contracté envers vous une éternelle obligation, sans vos généreux secours, c'en était fait de nous, et c'est encore à eux que nous allons devoir l'abri qui nous est nécessaire au milieu d'un pareil désastre. » En ce moment, Antoine et les militaires qui l'accompagnaient se séparèrent des deux fugitives, qui prirent avec Marianne le chemin des cabanes. Déjà quelques habitants de Moscou s'y étaient réfugiés, et de tout part on n'entendait que des cris, des gémissements qui déchiraient le cœur. La femme du sergent s'empressa de visiter ses chaumières éparses, et eut enfin la joie d'en trouver une vide où elle fit entrer ses deux malheureuses compagnes. L'une et l'autre tombèrent épuisées de fatigue sur un banc de pierre, seul meuble qui fut resté dans ce misérable réduit. Le jour avait disparu, et Marianne fut obligée de les laisser au milieu d'une obscurité profonde qui les environnait, pour aller au camp chercher de la lumière, et quelques provisions indispensables. « Ne craignez rien, leur dit-elle, mon absence ne sera pas longue, certaine maintenant que mon mari est entouré de ses camarades, qui le soigneront avec zèle, je puis veiller sur vous pendant cette triste nuit, si ma présence peut vous rassurer. » Cette offre fut acceptée avec reconnaissance, et l'excellente femme s'éloigna. Quand elles se virent seules au fond de la sombre masure, les deux infortunées sentirent redoubler à tel point leur tristesse, qu'il leur fut impossible dans le premier moment de se communiquer ce qu'elles éprouvaient, il est des mots si cruels dans la vie, que l'âme, frappée de leur excès, se refuse aux épanchements qui pourraient la soulager. Néanmoins la jeune fille, cherchant à éloigner les pensées douloureuses qui l'accablaient, serra sa mère dans ses bras, et lui dit, « Prions, chère maman, prions, Dieu peut-être nous donnera la force de supporter notre malheur. » Aussitôt, tombant toutes deux à genoux, elles invoquèrent le ciel avec tant de ferveur, qu'elles retrouvèrent enfin la résignation qui leur manquit. Oh, qu'ils sont à plaindre ceux qui ignorent de quelles ressources, est la prière pour les âmes affligées, et combien Madame Obinski n'eut-elle pas à se louer, dans cette circonstance douloureuse, d'avoir donné à sa fille une éducation chrétienne, qui lui fit sentir le prix de cette consolation puissante, et qui la rendit par cela même supérieure à l'adversité. Marianne, en rentrant auprès d'elle, se réjouit de voir l'heureux changement, qui s'était opéré pendant son absence, et s'empressa de leur offrir les provisions qu'elle s'était procurées. Ces provisions consistaient en une espèce de brouet noir, fait avec de mauvaises farines, et en quelques légumes mal cuits, qui n'avaient aucune saveur, mais, au milieu de la disette générale, beaucoup d'autres infortunés se seraient encore estimés très heureux d'en trouver autant, et la mère et la fille, qui n'avaient pris aucune nourriture depuis le matin, firent honneur à ces mets, sans se plaindre de leur grossièreté. Cependant la soirée s'avançait, l'éclat de l'incendie avait un peu diminué, et Madame Obinsky, qui possédait plusieurs maisons dans divers quartiers de Moscou, osait encore espérer que sa ruine ne serait pas complète, lorsque vers minuit une immense clarté, qui se répandit jusque dans la cabane, vint lui arracher cette dernière espérance. Le feu, en effet, avait repris dans la ville avec une nouvelle intensité. Des milliers de fusées incendiaires, incessamment lancées du haut des clochers par les ordres de Rostopchine, gouverneur de Moscou, avaient mis le feu aux vastes magasins de farine, d'huile, d'eau-de-vie, et autres matières combustibles que renfermait cette ville, une pluie de charbon ardent, un océan de flammes d'un bleu livide couvrait sa vaste enceinte, et chassait au loin des torrents de fumée qui rendaient l'air suffocant. Les cris, les gémissements des innombrables victimes abandonnées dans les hôpitaux, on porte à 20 000 le nombre des blessés, on malades abandonnés à Moscou, lorsque l'autorité russe commanda l'incendie. Les troupes françaises se dévouèrent généreusement, pour arracher ces infortunés à la mort, mais elles n'en purent sauver que 4 000, venaient se mêler à cette scène d'horreur. En vain les malheureux se débattaient contre la mort, bientôt leurs cris cessèrent de se faire entendre, l'acte de destre. Uction était consommée, tous, ou presque tout avait péri dans les flammes, et les 4/5 des habitations de Moscou n'existaient plus, au moment de cet affreux désastre, le feu gagna le Kremlin, qui renfermait un parc d'artillerie, et l'on frémit de penser qu'une seule flammèche venant à tomber sur un caisson, pouvait produire une explosion générale. Napoléon, qui habitait ce palais depuis le Mans, ne put en sortir qu'à travers, les flammes avec ses officiers et sa garde, tous s'échappèrent, dans la plus horrible confusion, par une poterne donnant sur la Moscova. Il faut avoir vu une pareille catastrophe, il faut avoir été au nombre de ceux qui eurent à en subir les funestes résultats, pour se faire une idée de ce qu'éprouva Madame Obinsky pendant cette nuit désastreuse. Appuyée contre la misérable hutte, alors son unique abri, elle suivait d'un œil morne les progrès de l'embrasement qui consommait sa ruine, sans qu'un seul mot, une seule plainte, s'échappa de sa bouche, la douleur dont elle était saisie, n'avait plus d'expression pour se produire au dehors. Sa fille, cet enfant si cher, élevé jusqu'alors dans une sorte d'opulence, allait donc être réduite au dernier degré du malheur? Que deviendront-elles sur cette terre étrangère, où la pitié ne daigna même pas leur tendre une main secourable, quand elle pouvait encore lui offrir en échange une partie de leur richesse? Telles sont les pensées douloureuses, qui s'offrent à l'esprit abattu de la pauvre mère. Juliette, que le ciel avait douée d'une intelligence supérieure, devine aisément tout ce qui se passe dans le cœur de cette mère si tendrement aimée. « Chère maman, lui dit-elle, c'est Dieu qui veut que nous soyons pauvres désormais, soumettons-nous à ses desseins, il sait ce qui nous convient. Ne m'a-t-il pas d'ailleurs donné de la force et de la santé? Vous m'avez souvent répété qu'avec cela on n'est jamais tout à fait malheureux. Je travaillerai, grâce à vos soins, je possède quelques talents, ne voyez-vous pas combien je serai heureuse de les utiliser pour vous? Croyez-moi, je ne regretterai rien de notre aisance passée, elle n'avait d'autre prix à mes yeux que de me donner le pouvoir de soulager les malheureux. Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi, que sa volonté soit faite, le bonheur de travailler pour ma mère me consolera, me dédommagera amplement de tout. Il y a quelque chose de si doux, de si délicieux pour le cœur d'une mère dans les témoignages de tendresse qu'elle reçoit de son enfant, que cette pure jouissance peut à elle seule, lui faire supporter les plus cruelles adversités. Ah, sois bénie, mille fois bénie, dit Madame Obinsky à sa Juliette. Cher enfant, c'est toi, toujours toi, qui me donne l'exemple du courage, je serais bien ingrate envers la Providence si j'osais me plaindre, quand elle m'a laissé un tel trésor. Un peu de calme étant revenu dans le cœur de la pauvre mère, elle attendit plus patiemment des nouvelles de l'incendie, que les Français s'efforçaient d'arrêter. Un bataillon de la garde impériale, réussit à éteindre celui du Kremlin, plusieurs grands édifices furent également préservés de leurs ruines, et l'on put enfin rentrer dans la malheureuse cité. Pressée de quitter le triste réduit où elle venait de passer des moments si douloureux, voulant d'ailleurs connaître l'étendue de leur perte, Madame Obinsky et sa fille, se réunirent le lendemain au petit, Nombre d'habitants qui s'étaient réfugiés dans le village, et reprirent avec eux et la bonne Marianne, qui voulut les accompagner, le chemin de Moscou. Pour y arriver il leur fallait traverser divers bivouacs, que l'armée, chassée par l'embrasement, avait été forcée d'établir au milieu de champs dévastés et fangeux. Ces bivouacs avaient tout un aspect singulier, qui frappait l'imagination d'une profonde tristesse. Lorsque les troupes françaises étaient entrées dans la ville, le pillage avait été expressément défendu, et cette défense fut religieusement observée jusqu'à l'heure du désastre, mais quand il fut évident que le feu allait tout dévorer, liberté entière fut accordée aux soldats, et ils en usèrent si largement, que leur camp était comme un riche bazar improvisé dans la boue, la populace de Moscou gît. Oua, du reste, un très grand rôle dans le pillage, c'était elle qui découvrait les endroits où les objets les plus précieux se trouvaient cachés, et le soldat, qui d'abord restait tranquille spectateur, devenait bientôt partie active. On y voyait entassé pêle-mêle, à côté des bagages militaires, tout ce que le luxe du Nord peut offrir de plus précieux en meubles, fourrures, cachemire, etc. Les pièces d'argenterie étaient surtout en profusion, et les soldats, toujours oublieux de la veille et insouciants du lendemain, mangeaient, gaiement dans cette vaisselle de prince, leur pauvre brouet noir et des morceaux de cheval sanglants. Quelques milliers de pains de munitions, eussent bien mieux valu pour eux que toutes ces richesses, mais en ce moment elle les consolait du moins des privations qu'ils avaient à endurer, et elle les aidait à s'étourdir sur les maux qui les menaçaient dans cette contrée lointaine, où le plus funeste aveuglement les avait conduits. Madame Obinski et Juliette, ne purent voir ce triste spectacle sans être douloureusement affectées, mais c'est à Moscou, c'est dans cette ville naguère si riche, si florissante, que les attendaient les impressions les plus cruelles. Près de 12 000 maisons, 800 églises, d'innombrables manufactures, le magnifique bazar, presque tous les magasins renfermant la subsistance de la population, avaient été la proie des flammes, et la seconde capitale de la Russie, n'offrait plus guère qu'une vaste plaine couverte de ruines fumantes, au milieu desquelles errait une foule de malheureux moscovites faisant retentir l'air de leurs cris déchirants, « On vient grand !» Nombre de ces infortunés, poussés par la faim et le désespoir, se précipitaient dans la Moscova, pour en retirer des grains que l'autorité russe avait fait jeter, et s'abîmaient ensuite dans les ondes après des efforts infructueux. Éperdus à la vue de cette scène de désolation, la mère et la fille cherchent en vain la place qu'occupait leur ancienne demeure et les autres maisons qu'elles possédaient, tout a disparu. De tout part on ne voit que des monceaux de décombres et des tourbillons de cendres chaudes, qu'un vent furieux répand dans l'air comme un épais brouillard. « Fuyons, fuyons, » dit Madame Obinski en entraînant sa fille. « Mais où aller, mon Dieu, où trouver un abri au milieu de cet affreux désastre ?» Et l'infortunée, appuyée sur le bras de Juliette, et suivie de Marianne, s'éloignait à grands pas, comme si la fuite pouvait remédier à ses maux. Toutes trois marchaient sans but, depuis une heure, parmi les débris épars, quand tout à coup Juliette s'écrie, « Maman, un grand nombre de maisons sont encore debout, voyez, voyez là-bas. » C'est l'hôpital des enfants trouvés, je le reconnais. Allons de ce côté, qui sait, ils ne refuseront peut-être pas de donner asile à la veuve, à la fille de leur ancien médecin. Vous vous rappelez tout ce que mon père a fait pour cet établissement, la cour elle-même a rendu hommage à son zèle, ainsi qu'à son généreux dévouement, et les administrateurs ne sauraient l'avoir oublié. Un peu ranimée par cette lueur d'espérance, Madame Obinski se laisse conduire par sa courageuse enfant, qui, dans cette circonstance funeste, est bien plus occupée de l'anxiété où elle la voit que de son propre malheur. Enfin elles arrivent, non sans peine, au grand quai de la Moscova, où est situé l'hôpital des enfants trouvés. Un piquet de sauvegarde, envoyé dès le 14 septembre dans cette maison par l'autorité française, avait heureusement réussi à la sauver des fusées incendiaires et du pillage. Les enfants au-dessus de 12 ans avaient été évacués, avant l'entrée des Français, sur Nijni Novgorod, sous la conduite du directeur en chef, mais, par une imprévoyance inouïe, il en restait environ 500, qui eussent indubitablement péri dans l'embrasement général, si Napoléon n'eût pourvu à leur sûreté. Incertaine de l'accueil qu'on allait lui faire dans cette maison, Madame Obinski ne s'y présenta qu'en tremblant, car elle savait malheureusement par expérience que, si les calamités publiques donnent lieu quelquefois à de nobles et grandes actions, quelquefois aussi ces mêmes calamités, excitent dans les âmes un froid égoïsme, qui les ferme à la pitié. L'abandon où l'avait laissé toutes ses connaissances et les personnes employées à son service lors de la fuite des habitants, était une preuve trop frappante de cette vérité, pour qu'elle pût être sans crainte, quand la ruine générale ne laissait à chacun que la stupeur et le désespoir. Enhardie cependant par l'excès même d'une telle infortune, la pauvre mère demanda à parler au sous-directeur, qu'elle avait eu occasion de voir une ou deux fois depuis son séjour à Moscou. C'était un vieillard respectable, dont les années n'avaient pas refroidi le cœur. Madame Obinski eut à peine expliqué ce qu'elle attendait de lui, qu'il s'empressa de lui accorder sa demande, et de l'entourer, ainsi que sa fille, de tous les soins que réclamait leur situation. Heureuse de les voir enfin en sûreté dans une maison, du moins les premières nécessités de la vie ne leur manqueront plus, Marianne se disposa à prendre congé d'elle, leur promettant de venir les voir souvent, tant que le régiment de son mari serait à Moscou. Les plus tendres remerciements lui furent prodigués, et Madame Obinski, inquiète du dénuement où allait se trouver l'excellente femme pendant son séjour en Russie, voulut lui faire accepter une partie de l'or qu'elle avait sauvé au moment de sa fuite, mais Marianne refusa. « Non, non, madame, gardez cet or, lui dit-elle, il vous sera bien plus utile qu'à moi, je sais endurer les privations, mais vous, mais cette chère enfant, dont j'ai tant admiré la résignation et le courage, c'est la première fois, sans doute, que l'adversité vous frappe, et c'est un dur apprentissage, qu'il me serait bien pénible de vous voir faire. N'insistez donc plus, ajouta-t-elle avec une profonde émotion, seulement permettez-moi d'espérer, après le service que vous m'avez rendu et l'intérêt que vous me témoignez en ce moment, que vous songerez quelquefois à la pauvre Marianne, qui ne vous oubliera jamais. » Juliette et sa mère ne purent entendre ces paroles sans en être vivement touchées. Elles embrassèrent la digne femme, qui leur avait donné des marques d'un dévouement si généreux, et leur tristesse augmenta encore après son départ. Et s'efforçant néanmoins de comprimer les pensées accablantes qui les poursuivaient, elles se hâtèrent de remercier Dieu de ne pas les avoir délaissées, quand des millions d'infortunés, étaient errants et dénués de tout. C'est surtout par la comparaison que nous faisons de nos maux avec ceux d'autrui, que nous sentons mieux se ranimer notre courage et notre reconnaissance envers Dieu, car, quelles que soient les adversités et les souffrances qui nous accablent, il y a très certainement des êtres encore plus malheureux que nous, sur cette terre si fertile en douleurs. Ces êtres souffrants sont des créatures semblables à nous, ils ont les mêmes droits que nous devant le souverain maître de nos destinées, et pourtant nous osons quelquefois nous trouver plus à plaindre qu'eux, nous osons même accuser le ciel de trop de rigueur, quand nous devrions le remercier de nous épargner des peines que nous n'aurions pas le courage de souffrir avec la même résignation. Heureusement notre bonne Juliette avait puisé, nous l'avons dit, dans son éducation des idées plus justes. Sa propre infortune ne la rendait pas insensible aux maux qu'elle voyait souffrir autour d'elle, et, pendant les jours qui suivirent l'affreux désastre de Moscou, elle sollicita souvent de sa mère quelques portions de leurs faibles ressources, pour sauver des malheureux de la faim et du désespoir. Les denrées étaient alors devenues si rares, que ce n'était qu'à un prix exorbitant, que l'on pouvait se procurer la plus chétive nourriture. L'autorité française fut même obligée de faire des distributions aux habitants les plus nécessiteux. Il était impossible qu'un pareil état de choses se prolongeât, car la disette allait toujours croissant, et l'armée elle-même finit par manquer de tout. Des négociations pour la paix avaient été entamées par l'empereur Napoléon, une suspension d'armes eut lieu, mais bientôt les Russes la rompirent, les hostilités reprirent avec une nouvelle fureur, et la consternation devint générale. Ce fut alors que la plupart des familles françaises, qui habitaient Moscou avant l'occupation de Sadeville, prirent la résolution de la fuir, et de se mettre à la suite de leurs compatriotes pour retourner en France, car il n'y avait plus pour elles aucune pitié à attendre de l'ancien gouverneur, dont la vengeance venait de se montrer si terrible, la cruauté des Cosaques ou un esclavage en Sibérie, telle était l'affreuse perspective qui semblait s'offrir à tous ceux qui resteraient en Moscovie avec le titre de Français. Ces terreurs, que les événements désastreux qui venaient de se passer ne justifiaient que trop, s'emparèrent aussi de la mère de Juliette. Depuis longtemps déjà, toutes ses pensées se dirigeaient vers la France, qu'elle n'avait pas revue depuis près de 20 ans, et tous ses vœux tendirent dès lors à y retourner. Une dame française, qu'elle eut souvent l'occasion de voir chez le sous-directeur de l'établissement dont lui avait donné asile, ne fit que l'affermir dans ce projet. Cette dame, nommée Madame Durval, poursuivie par la terreur commune, se proposait de partir incessamment, avec son mari à la suite de l'armée, et décida Madame Obinski à être du voyage. Juliette partagea d'abord la joie de sa mère, mais bientôt un sentiment de crainte, que la catastrophe dont elle venait d'être témoin, n'avait pas peu contribué à exciter dans son cœur, s'attacha malgré elle à la pensée de ce voyage lointain. Elle aimait d'ailleurs le pays où elle était née, c'était celui de son père, et maintenant il fallait le quitter, ne plus revoir la tombe où étaient déposés les restes de ce père chéri. Cette idée avait pour Juliette une grande amertume, et ce n'était pas toujours sans effort qu'elle parvenait à renfermer sa tristesse. Bientôt cette tristesse augmenta, car les apprêts du départ étaient à peu près terminés. Les diamants que Madame Obinski avait eu le bonheur de sauver de l'incendie, lui ayant été achetés par un marchand étranger, la somme qu'elle en retira, jointe avec ce qu'elle avait déjà en sa possession, lui permettait de fournir aux frais de la longue route qu'elle allait entreprendre, et lui assurait même quelques moyens d'existence pour un certain laps de temps dans sa patrie. Cependant, près d'abandonner une contrée où elle avait passé les plus belles années de sa vie, la mère de Juliette eut besoin de tout son courage pour ne pas céder aux craintes qui vinrent aussi l'assaillir, et qui ébranlèrent même parfois sa résolution, mais, de quelque manière qu'elle envisageait son sort et celui de sa fille, partout elle ne voyait que des dangers, et elle put, en s'éloignant, prendre le parti qui en offrait le moins. Avant de quitter Moscou, un devoir lui restait à remplir, elle voulait revoir encore une fois, la tombe d'un époux qu'elle avait tendrement, et dont l'appui lui serait maintenant si nécessaire. « Viens, » dit-elle à sa fille, « viens, allons demander à Dieu sur son tombeau même, la force de nous en séparer et de supporter notre infortune. » Heureusement l'incendie n'avait pas étendu ses ravages jusqu'au cimetière des Moscovites, et ceux qui avaient à déplorer leur ruine, pouvaient encore aller s'agenouiller dans ce lieu consacré à la douleur et à la méditation. Je dis à la méditation, car il me semble impossible de s'approcher d'un tel lieu, sans que l'âme n'y puisse quelque pensée salutaire, quelque souvenir des saintes affections de l'enfance, ou quelque avertissement de la brièveté de la vie. Quel livre, en effet, que toutes ces tombes, comme il parle éloquemment au cœur de celui qui sait lire, comme il lui montre le néant des choses d'ici-bas. Ah, c'est dans ces pages tracées par la mort qu'il faudrait aller étudier la nécessité de la vertu. Bon, l'homme ne saurait rester indifférent pour elle, s'il osait s'approcher plus souvent de ces tombeaux, qui semblent lui dire, « Va, méprise la fausse gloire, les grandeurs, les richesses, les vains plaisirs d'un monde corrupteur, tout cela n'est qu'un prestige qui s'évanouira comme une vapeur elle, légère, la seule réalité, c'est la destruction de ton corps, et l'immortalité de ton âme, pour ce corps fragile, la poussière et l'oubli, pour ton âme le séjour céleste, où l'attend un bonheur sans fin, si elle n'a pas trahi sa mission durant son court pèlerinage sur la terre. Malheur à celui qui resterait sourd à de tels enseignements, malheur à celui qui foulerait sans émotion l'herbe d'un cimetière, et qui ne formulerait pas une prière au fond de son cœur à la vue de ces tombeaux, où tant d'affections, tant d'espérances se sont englouties, mais où surgit toujours la pensée de Dieu. » Cette pensée occupait Madame Obinski et Juliette, lorsqu'elles s'approchèrent du monument funèbre qu'elles venaient chercher, mais, en s'agenouillant sur la pierre, en songeant qu'elles voyaient ce lieu pour la dernière fois, une inexprimable douleur les saisit toutes deux. « Oh mon père, » s'écria la jeune fille, « c'est donc pour jamais qu'il faut vous quitter. La terre qui couvre vous reste chérie, ne sera plus arrosée de nos pleurs, nous ne viendrons plus épancher auprès de nos éternels regrets. Ah, du moins, du fond de votre tombe, bénissez votre pauvre enfant, qui va s'éloigner de vous pour toujours. Juliette, lui dit alors Madame Obinski, dont le cœur était déchiré, mais qui cherchait à ranimer son propre courage, c'est au ciel que doivent s'élever tes regards, en demandant la bénédiction de ton père, c'est là qu'il goûte le bonheur des anges, et que nous le rejoindrons, j'espère, quels que soient les lieux où s'écouleront désormais nos tristes jours. Ne sens-tu pas que cette espérance, est le plus beau présent que nous ait fait le Créateur? Et, qu'importe, après tout, des douleurs, des infortunes passagères, quand l'éternité nous appartient, quand nous pouvons conquérir le ciel par la vertu. Ces paroles rendirent Juliette à elle-même. Se relevant alors, elle prit la main de sa mère, la porta à ses lèvres, et s'éloigna avec elle du mausolée, s'efforçant de montrer plus de calme et de résignation. Cependant la retraite de l'armée française fut résolue au Crémien, où l'on s'était bercé de vaines espérances, Napoléon était revenu habiter ce palais après l'incendie. C'est de là qu'il proposa à l'empereur de Russie de conclure la paix, mais toutes ces effrayants étaient rejetés, notre armée eut à subir toutes les conséquences de cette funeste campagne. Déjà divers corps des troupes commençaient à s'ébranler. Marianne, qui était venue très fréquemment voir celle qu'elle nommait toujours ses bienfaitrices, et qui avait adopté avec ardeur, le projet de Madame Obinski, de retourner en France, la pressa, ainsi que ses compagnons de voyage, de suivre le régiment dont son mari faisait partie, leur assurant que c'était le seul moyen d'échapper à l'attaque des Cosaques, répandue dans toute la contrée qu'ils allaient parcourir. Cet avis fut goûté par M. Durval, qui s'occupait avec un grand zèle des préparatifs nécessaires à une aussi longue route, et le régiment ayant reçu l'ordre de partir, Juliette et sa mère quittaient, rend enfin Moscou. Chapitre 3. De même que le feu éprouve le vase du potier, ainsi le malheur éprouve les justes. Ecclésiastique, 27, 6. Ce fut le 19 octobre que s'effectua ce départ. Le temps était superbe, et, chose inouïe dans cette contrée, on n'avait pas encore vu de neige sur le sol, ce qui fit croire aux Français qu'on leur avait exagéré la rigueur du climat. Aussi, oubliant les fatigues et les dangers qu'ils avaient dû affronter pour venir chercher si loin l'honneur de bivouaquer dans la seconde capitale des Tsars, tous partent pleins de joie au souvenir de la mère patrie, où ils espèrent célébrer bientôt la nouvelle gloire acquise à nos armes. Pauvres Français, comme ils s'abusent. La voiture de nos voyageuses, au nombre desquelles se trouvait Marianne, était commode et légère. Monsieur Durval, qui savait que le pays qu'on allait traverser, avait été complètement ruiné par le passage successif des armées russes et françaises, y avait joint un fourgon chargé de toutes les provisions qu'on avait pu se procurer dans les environs de Moscou. Ce fourgon portait aussi la nourriture des chevaux, qui devaient faire la plus grande partie de la route. On ne marchait néanmoins que bien lentement, parce que, outre l'encombrement des chemins, il était impossible de dépasser les troupes françaises sans courir le risque de tomber au milieu des Cosaques. Ces barbares, ne cherchant qu'à piller et à entraver la retraite, arrivèrent dès le premier jour sur les flancs des différentes divisions françaises, la lance en arrêt et en poussant des hurlements épouvantables. Ils furent repoussés sur tous les points, et leurs diverses attaques n'eurent d'abord aucune conséquence funeste pour l'armée, seulement elles firent perdre un temps considérable, et causer un mortel effroi aux familles, que les événements avaient forcées d'entreprendre ce périlleux voyage, au milieu de deux parties, ennemies qui se disputaient le terrain pied à pied. Antoine avait obtenu, grâce à l'estime dont il jouissait, que Madame Obinski et ses compagnons, marchassent sous la protection de son régiment, et un des chefs, homme aussi obligeant que brave, se plut à leur rendre durant la route tous les services qui étaient en son pouvoir. Cependant la défense de cette troupe courageuse, ne les rassurait pas entièrement, contre les craintes qui venaient à chaque instant les assaillir. Juliette, tremblant au premier coup de feu qu'elle entendit, chercha d'abord un abri dans les bras de sa mère, mais elle la vit si épouvantée elle-même, que bientôt elle s'efforça de modérer son effroi, pour ne pas ajouter à celui de cette mère infortunée, qui déjà se reprochait d'avoir cédé à ses premières terreurs en quittant Moscou. L'explosion du Kremlin, une mine avait été disposée par ordre de Napoléon dans les souterrains de ce palais, l'arrière-garde de l'armée y mit le feu en partant, et bientôt une grande partie de cette antique demeure des Tsars, n'offrit plus qu'un monceau de ruines. Cet acte de vengeance, que nulle raison militaire ne semblait exiger, alimenta encore la haine des Russes contre les Français, et ne contribua pas peu, sans doute, à augmenter l'acharnement que l'on y allait poursuivre dans la malheureuse retraite, qui se fit entendre le lendemain du départ, fit croire néanmoins à Madame Obinski, que le parti qu'elle avait choisi, était commandé par la prudence, car cette nouvelle catastrophe, qui multiplia les victimes, pouvait faire craindre que la malheureuse cité, ne fût vouée à une entière destruction. Cette crainte ne se réalisa pas, mais elle assombrit encore les réflexions douloureuses que faisait naître cette guerre, où toutes les passions haineuses se déchaînaient pour multiplier les désastres. Ce fut à Fominskoé, à 10 lieues environ de Moscou, que nos voyageuses entendirent cette épouvantable explosion, mais, hélas, les tristes impressions que cette nouvelle catastrophe laissa dans leur cœur n'étaient rien en comparaison de ce qu'elles éprouvèrent lorsque, peu de jours après, il leur fallut traverser les plaines de Borodino. Là, 52 jours auparavant, une grande bataille avait eu lieu, 30 000 bravés avaient perdu la vie, et ces champs de carnage étaient encore jonchés de leurs dépouilles mortelles. À cette vue, le soldat lui-même, quoique habitué à ces scènes sanglantes, détourne la tête en frémissant. On fait presser le pas, les voitures marchent aussi avec plus de rapidité, Marianne et Monsieur Durval se hâtent de baisser les stores, mais Juliette a vu ces cadavres, dont les animaux de proie font leur pâture, un cri d'horreur lui échappe, tous ses membres sont saisis d'un tremblement convulsif, et ce n'est qu'après avoir versé un torrent de larmes, qu'elle parvient enfin à se calmer. R un peu zéro ma fille, ma Juliette chérie, prends courage, je t'en conjure, lui disait Madame Obinski en la pressant sur son cœur. Ah, je le sens trop tard, j'ai causé tous tes maux en voulant te soustraire au danger que je redoutais pour toi. Mais ton âme jusqu'ici n'a pas cédé devant les cruelles épreuves qu'il nous a fallu subir, demandons à Dieu de la raffermir encore. Oui, répondit Juliette en regardant sa mère avec tendresse, prions pour obtenir la force dont nous avons besoin, mais prions aussi pour tous ces pauvres gens, dont les restes sont voués à l'abandon sur cette terre désolée. Et prenant un livre qui ne la quitta jamais, elle lut à haute voix les prières des morts, d'un ton si touchant et si pénétré, que, malgré eux, les assistants en furent profondément attendris. Jusqu'alors les époux Durval et Marianne, n'avaient pensé que bien vaguement à la nécessité de la religion, mais ces prières sublimes, adressées à Dieu sur un champ de bataille couvert de cadavres, par une faible jeune fille à peine revenue de son épouvante, leur donnent une si haute idée du christianisme, et de la charité qu'ils commandent, qu'ils ne peuvent se défendre de faire sur eux-mêmes un retour salutaire. C'est ainsi que le vrai chrétien, quel que soit son âge et son sexe, exerce autour de lui une sorte de sacerdoce, qui n'a jamais sans quelque heureux résultat. Quand la piété ose se montrer à découvert, l'incrédulité en vit malgré elle ses douceurs et ses convictions, de là au repentir et à la foi, bien souvent il n'y a qu'un pas. Je veux aimer et servir Dieu comme vous, dit Marianne en prenant affectueusement la main de Juliette, oui, je sens que vos prières vont droit à mon cœur. Ah, répétez-les. Répétez-les encore, afin que nous soyons tous bénis, et que les âmes de tous ces braves soient heureux. Cieux au ciel. Monsieur et Madame Durval, non moins émus que la femme du sergent, regardaient aussi la jeune fille d'un air attendri, et quand elle recommença à prier, leurs voix se mêlèrent à la sienne. Enfin ils se sont éloignés de ces champs de désolation, mais chaque jour leurs maux s'accroissent. Le pays qu'ils parcourent n'est plus qu'un vaste désert où la mort semble les menacer de toutes parts. Pas une maison, pas une chaumière qui ne soit en ruine, tout a été brûlé, saccagé par les habitants avant qu'ils prissent la fuite, et le malheureux voyageur, en s'avançant, ne trouve pas même le plus chétif abri pour reposer son corps épuisé de fatigue. Pour comble d'infortune, la douce température dont on avait joui pendant les premiers jours de la retraite, fut remplacée tout à coup par un froid âpre, puis par des neiges abondantes qui couvrirent le sol d'une couche épaisse aussi glissante que du verglas, et sur laquelle les chevaux faisaient de vains efforts pour avancer. Ceux de ces animaux qui traînaient des voitures étaient tellement exténués, qu'il fallait, à force de bras, pousser les roues afin d'alléger leur fardeau, et bien souvent encore ils tombaient pour ne plus se relever. Hélas, combien de pauvres soldats eurent le même sort, combien de ces infortunés, transis de froid, dévorés par la faim, exhalèrent leur dernier soupir sur cette terre fatale, sans qu'un seul ami leur fermât les yeux, sans qu'un seul laurier fût jeté sur leur tombe, et sans que leurs familles désolées puissent jamais savoir où reposent leurs ossements. Il était impossible qu'un tel spectacle ne déchirât pas le cœur de ceux qui partageaient des maux si cruels. Jusqu'alors nos voyageurs, grâce aux soins de Monsieur Durval, n'avaient pas encore manqué de nourriture, leurs fourgons étaient munis de viande salée, de riz, de légumes, que l'on faisait cuire pendant les baltes, mais ces provisions qui leur étaient si précieuses, il fallait souvent les partager avec les malheureux qui les entouraient. Des blessés, des femmes, des enfants étaient là, au milieu du désastre, périssant faute de secours, et Juliette surtout ne pouvait voir leurs souffrances sans éprouver le besoin de les soulager. Souvent au moment des repas, que l'on faisait toujours dans la voiture, elle disait à sa mère, « Maman, je ne puis manger, mais, je vous en supplie, donnez-moi la part que vous me destiniez, et permettez que j'aille la porter à ces petits infortunés qui sont là, gémissant sur la route. » Quand elle avait obtenu ce qu'elle désirait, la charitable enfant faisait arrêter les chevaux, et s'élançait avec Marianne au-devant des malheureux qu'elle voulait secourir. Un jour elle se dépouilla d'une pelisse doublée en fourrure, pour en couvrir une pauvre femme à moitié gelée, et portant un jeune enfant dans ses bras. Celle à qui un don si précieux était offert hésita d'abord de l'accepter, car il lui répugnait, quelle que fût sa misère, de priver sa jeune bienfaitrice d'un objet si utile. « Prenez, prenez, lui dit Juliette les larmes aux yeux, je puis me passer de ce vêtement, moi, le froid me fait peu souffrir, j'y suis habituée, mais vous, mais ce pauvre petit. Ah, je suis trop heureuse d'alléger vos maux. » En même temps elle les enveloppe tous deux dans la pelisse, et s'échappe sans attendre de nouveaux remerciements. Les compagnons de voyage de cette aimable fille, témoins continuels des nobles qualités de son cœur, ne pouvaient se lasser de l'admirer. Les hommes même que Monsieur Durval avait choisi pour conduire leur voiture, avaient pour elle un respect sans borne, et, à toutes les haltes, c'était à qui d'entre eux la servirait avec le plus d'empressement. Cependant les désastres de l'armée, s'augmentaient dans une proportion effrayante, le découragement et le désespoir, gagnaient le cœur de tous ces braves, qui tant de fois avaient affronté la mort sans pâlir. Napoléon, un bâton à la main, marcha souvent au milieu d'eux, cherchant, par son exemple et par des paroles bienveillantes, à relever le courage des plus abattus. Chacun lui reprochait alors intérieurement d'avoir pénétré en Moscovie, et d'être resté 34 jours au milieu des cendres de la ville incendiée, sans prévoir les difficultés du retour. Chaque souffrance, chaque revers était une nouvelle accusation, qui s'élevait dans le cœur de tous ces hommes. Pourtant il n'en était pas un, qui n'eût versé pour lui la dernière goutte de son sang, car son aveuglement pendant cette campagne, n'avait pas effacé les glorieux souvenirs gravés dans leur mémoire, et la force morale dont ils faisaient preuve au milieu de tant de revers, eût augmenté encore leur dévouement, si ce dévouement avait pu s'accroître. Enfin, le 10 novembre, l'armée atteignit Smolensk, située à 92 lieues de Moscou, elle y reçut d'abondantes distributions, et y put oublier pendant quelques instants, les maux qu'elle venait de souffrir. Nos voyageurs purent aussi se reposer dans cette ville, et y renouveler leurs provisions à peu près épuisées. Mais pendant leur séjour, le froid, qui avait augmenté progressivement depuis l'apparition de la neige, alla tout à coup à 19 degrés, et les effets de cette subite progression, furent si terribles sur l'armée, que beaucoup d'hommes périrent, et qu'un plus grand nombre les pieds, les mains, le nez ou les oreilles gelées. Heureusement le temps se radoucit le 14, et l'on profita de cette amélioration pour se remettre en marche. Mais si l'on éprouvait quelque adoucissement par rapport au froid, la fatigue excessive qu'occasionnaient les marches forcées, les bivouacs et les privations qu'il allait subir encore, multiplièrent chaque jour les malades parmi les soldats. Beaucoup d'entre eux, atteints d'une sorte de délire, jetaient leurs armes et se laissaient tomber sur la route. En vain leurs camarades les appelaient et cherchaient à les ranimer, ils n'entendaient plus rien, l'instinct même de la conservation, ordinairement si puissant sur l'homme, était éteint dans leur cœur, la mort leur semblait le seul bien désirable, et ils l'attendaient avec une effrayante impassibilité. À tant de malheurs se joignaient journellement de sanglants combats, qu'il fallait soutenir contre, un ennemi bien supérieur en nombre, habitué d'ailleurs aux rigueurs du climat, et qui sur tous les points cherchait à entraver la retraite. Depuis Smolensk, les attaques furent encore plus fréquentes, et diminuèrent le nombre de nos combattants, qui semblaient quintupler leurs forces pour soutenir la gloire des armes françaises. Jamais aucune armée ne se trouva dans des circonstances plus terribles, et ne montra plus de constance et d'héroïsme. La garde impériale, quoique bien réduite, présentait encore une masse imposante, et faisait chaque jour des prodiges de valeur. Protégés par ces braves, nos voyageurs suivaient leur route avec plus de sécurité que la plupart des autres familles fugitives, ils éprouvaient aussi beaucoup moins de souffrance, parce que jusqu'alors ils n'avaient pas encore manqué de subsistance, et que leur voiture les abritait nuit et jour contre le froid. Mais, en avançant vers la Bérézina, les moyens de transport manquant pour les blessés, on les obligea de céder cette voiture qui leur était si utile, et ce fut à grand-peine qu'ils obtinrent de conserver leur fourgon. Ce changement leur fut excessivement pénible, néanmoins, en comparant leur situation à celle de tant d'autres malheureux qui les entouraient, ils durent encore bénir la Providence, qui leur avait ménagé cette ressource. Ce fut le 26 novembre au matin, que l'on parvint à construire deux ponts sur la Bérézina, qu'il fallait traverser à tout prix. Quelques troupes avaient été jetées sur l'autre rive au moyen de chétifs radeaux, et elles repoussèrent l'ennemi qui cherchait à empêcher nos constructions, pendant lesquelles le courage des pontonniers ne se démentit pas un seul moment. Le dévouement qu'ils montrèrent dans cette circonstance surpasse tout ce que l'esprit humain peut se figurer en fait d'héroïsme. Ces hommes intrépides dont le souvenir vivra dans la postérité, bravant le froid le plus rigoureux et toutes les difficultés que leur présentaient les glaçons dont le fleuve était couvert, se mirent dans l'eau jusqu'à la poitrine, et travaillèrent ainsi durant plusieurs heures, privés de liqueurs et d'aliments substantiels. C'était s'exposer à une mort presque assurée, mais l'armée était là, elle les regardait, c'était de leurs travaux, de leur courage, que dépendait son salut, ils se sacrifièrent pour elle. Il n'y a point d'expression pour peindre l'impatience et l'anxiété, dont chacun était agité en attendant la fin de ses travaux. Témoin de toutes leurs difficultés, et ne pouvant se dissimuler le danger que présenterait le passage de l'un ou de l'autre de ces deux ponts, construits à la hâte et sans aucun des matériaux convenables, Madame Obinski frémissait à la pensée de traverser l'un d'eux avec sa Juliette. En vain Marianne, habituée à franchir ces sortes de passages, cherche à la rassurer en lui promettant de veiller sur cette fille si chère. L'infortunée mère ne peut plus jeter les yeux sur le fleuve sans être saisie d'une profonde terreur, et elle ne se lasse pas de serrer Juliette dans ses bras, comme si un pressentiment funeste l'avertissait de quelque malheur. Enfin, à une heure de l'après-midi, Le premier pont étant terminé, le deuxième corps le traversa pour aller soutenir les tirailleurs engagés en cet endroit avec une division ennemie. L'empereur le passa ensuite avec sa garde, et l'ordre fut d'abord assez bien observé. Mais la nuit étant venue, le passage se continua à la clarté de la lune, et bientôt l'encombrement augmenta à tel point, que nos voyageurs hésitèrent pendant quelques instants à suivre le corps qui les protégeait. Il fallait se déterminer cependant. Elles étaient descendues du fourgon, qui prit les devants et gagna l'autre bord. Et Madame Durval le suivirent. Marianne, alors, saisissant le bras de Juliette, dit à Madame Obinski, « Allons, madame, du courage, il faut marcher. Confiez-moi votre fille, je vous réponds d'elle sur ma vie. » En ce moment Antoine accourait pour presser leur passage, il voit les craintes de la malheureuse mère, s'empare de sa main et l'entraîne, tandis que Marianne, tenant Juliette, s'élance intrépidement avec elle sur le pont, cherchant à la garantir de tout accident enfin, elles sont toutes deux sur l'autre rive Antoine, et Madame Obinski sont près d'y arriver aussi, mais, aux douleurs, à l'instant où ils vont toucher le bord, la foule qui les précède les rejette en arrière, alors un épouvantable craquement se fait entendre, le pont est rompu et ils sont précipités dans les flots à la vue de Juliette et de Marianne qui les attendaient. « Ma mère, mon Antoine, sauvez-les, sauvez-les !» crièrent à la fois ces deux infortunés, mais, hélas, personne ne s'inquiète de leur cri ni de leur désespoir, la plus horrible confusion règne sur le rivage, et l'excès du malheur ferme en ce moment toutes les âmes à la pitié. En vain elles parcourent les bords du fleuve, en vain elles appellent les objets de leur affection, tout est sourd à leur voix, chacun les heurte, chacun les repousse, et ce n'est que plusieurs heures, après que Monsieur et Madame Durval, parviennent à les retrouver sur la plage où s'exhale leur douleur. Juliette, qui était alors saisie d'horribles convulsions, ne voyait plus rien de ce qui se passait autour d'elle, et ses amis profitèrent de cette espèce d'insensibilité pour la porter dans le fourgon, où ils lui prodiguèrent tous les secours qui étaient en leur pouvoir. Pendant fort longtemps leurs soins n'eurent aucun succès, à chaque instant, l'infortunée tombait dans de profonds évanouissements, qui faisaient craindre pour ses jours. Marianne, livrée de son côté au plus affreux désespoir, était retournée au rivage, et y passa le reste de la nuit, espérant toujours que son Antoine, et Madame Obinski seraient sauvés des flots, mais toutes ses recherches furent inutiles, et elle ne douta plus de la réalité de son malheur. Cependant, grâce aux ailes des pontonniers, le pont avait été réparé, et le passage continuait, lorsqu'à 2 heures du matin ce pont se rompit de nouveau, il fallut alors que l'artillerie et les bagages, se frayassent une route sur le second, qui était plus étroit et sans rebord. Ici la plume se refusa à retracer les scènes d'horreur qui eurent lieu, car ce fut exactement sur un chemin de cadavres, que passèrent les chevaux et les voitures. En vain les malheureux piétons, dont la masse grossissait à chaque instant, se débattaient pour leur disputer le passage, renversés sans pitié, broyés sous les roues, ils tombaient dans le fleuve et disparaissaient au milieu des glaçons. Quelques-uns, avec le courage du désespoir, se cramponnaient aux planches du pont, et restaient ainsi suspendus au-dessus de l'abîme, mais bientôt leurs mains écrasées, laissaient échapper ce faible support, et ils allaient grossir le nombre des victimes. Des caissons entiers, conducteurs et chevaux, tombaient sur ces malheureux et hâtaient leur destruction. On vit cependant, au milieu de cette épouvantable catastrophe, des traits de dévouement qui honorent l'humanité. De braves soldats, échappés des flots comme par miracle, osèrent s'y précipiter de nouveau, pour sauver de pauvres enfants que leur mère, s'efforçait d'élever au-dessus de l'onde, afin de retarder leur mort de quelques instants. Des officiers volèrent aussi au secours de leurs camarades qui périssaient, et ils s'attelèrent ensuite à des traîneaux pour les transporter près des bivouacs, où les soins les plus touchants leur étaient prodigués. Ce fut au point du jour qu'eurent lieu ces événements désastreux. Marianne en vit une partie, et son cœur, quelque brisé qu'il fût, ne put rester insensible au spectacle que présentait le rivage. Ce sentiment de compassion la ramena naturellement à la pensée de Juliette, pour laquelle elle avait conçu une vive affection, et que leur malheur commun lui rendait encore plus cher. Quand elle la rejoignit, la pauvre enfant avait repris connaissance, et la vue de sa compagne d'infortune, lui arracha des larmes qui la soulagèrent un peu. « Retournons vers le fleuve, lui dit-elle d'une voix affaiblie, bonne Marianne, ne me refusez pas. Hélas. Mademoiselle, j'y suis retournée, j'ai tout vu, tout parcouru, et nulle espérance ne nous reste. S'importe, allons-y, ou j'irai seule. » En vain les époux Durval voulurent la détourner de son dessein. Appuyée sur le bras de Marianne, elle descendit du fourgon et s'avança d'un pas chancelant vers l'endroit de la bérésina où son infortunée mère et Antoine avaient été précipités dans les flots avec la foule. Là, saisie d'un tremblement convulsif, et tombant à genoux, elle s'écria d'une voix déchirante, « Ô ma mère, si tu n'es plus, si ton âme est au ciel, demande à Dieu de prendre aussi ton enfant. Que ferait-elle sans toi sur cette misérable terre, où elle n'a vu que des douleurs, et où elle n'a pas même un seul ami pour la protéger? Oubliez-vous donc la pauvre Marianne, interrompit cette dernière. Hélas, oui, je suis bien pauvre, bien malheureuse, j'ai perdu mon unique soutien, l'objet de mes plus chères affections, mais Dieu, en me frappant d'un coup si affreux, m'a laissé un devoir à remplir. Votre mère, alors du péril, vous confia à mes soins, vous êtes jeune, sans appui, je remplirai envers vous la tâche que m'impose une si douloureuse situation. Désormais je vous suivrai, je vous servirai, je travaillerai pour vous, comme une mère travaille pour sa fille, et je ne vous demande en échange, que de la m'aimer un peu et de ne jamais nous séparer. » En finissant ces mots, l'excellente femme prit Juliette dans ses bras, et parvint à l'emmener loin du rivage, où les avaient suivis Monsieur et Madame Durval. Ceux-ci étaient loin d'avoir la sensibilité et la grandeur d'âme de la pauvre veuve, mais ils la plaignaient sincèrement ainsi que la jeune orpheline, et s'efforcèrent de donner à tous deux les soins que réclamait leur malheur. Chapitre 4. C'est être bien avancé dans la science de la vie que de savoir souffrir. De maintenant, quelque affreux que soit l'instant ou la mort, nous ravit ceux que nous chérissons, les jours qui succèdent à cette perte, sont assurément plus affreux encore, parce qu'alors notre âme, revenue de son premier saisissement, peut calculer l'immensité du vide où elle reste plongée. Ce fut là du moins ce qu'éprouva la malheureuse Juliette à la suite de l'événement que nous venons de décrire. Il y avait des moments où sa pensée, comme perdue dans le vague de la douleur, ne lui retraçait que confusément l'horrible image de sa mère engloutie dans les flots. Dans ce moment il lui semblait être le jouet d'un songe pénible, mais quand elle sortait de cette espèce d'engourdissement, quand la triste réalité lui apparaissait tout entière, l'infortunée retombait dans un sombre désespoir, et invoquait la mort comme son unique refuge. Tout à coup, cependant, au milieu d'un de ses accès, la pensée de Dieu vint la frapper, elle se mit en prière, et peu à peu son cœur oppressé trouva quelque soulagement. Jusqu'alors elle ne s'était pas encore aperçue que l'on avait quitté les bords de la Bérésina, où se livrait en ce moment un combat sanglant, qui achevait la ruine de notre malheureuse armée. Lorsque l'orpheline reconnut que l'on s'éloignait du fleuve, ses pleurs recommencèrent, et elle supplia qu'on lui permît d'y retourner encore une fois, mais Monsieur et Madame Durval, lui ayant démontré l'impossibilité de la satisfaire, elle n'insista plus, et renferma sa douleur au fond de son âme. Oh, quelles pensées déchirantes ont succédé au rêve enchanteur de son enfance! Comme tout est changé pour elle! Que de malheurs se sont accumulés sur sa tête dans l'espace de quelques mois! Naguère entourée d'un père et d'une mère chérie, guidée par leur amour, par leurs sages conseils, elle ne songeait à l'avenir qu'avec l'heureuse insouciance que donne le bonheur, maintenant la voilà seule au monde, la voilà dépourvue de tout, exposée à toutes les privations, à tous les périls, sans autre appui que la pitié de ceux qui l'entourent, et qui eux-mêmes sont accablés sous le poids de leurs propres maux. Heureusement, nous le répétons, Juliette avait une piété solide, et une grande confiance en Dieu, quand ses idées cruelles venaient l'assaillir, elle éleva son âme vers le ciel. Aussitôt une voix à l'intérieur semblait lui dire qu'elle ne serait pas abandonnée au milieu des orages de la vie, alors la vertueuse enfant remettait son sort entre les mains de la Providence, et si ses pleurs continuaient de couler, jamais du moins sa bouche n'articulait un murmure. C'est par les afflictions qui nous frappent, comme l'airain est frappé par le marteau, dit saint Augustin, que l'âme s'étend et se polit. En effet, quand le malheur ne parvient pas à nous abattre, quand les espérances sublimes de la religion nous soutiennent au milieu des tribulations et des souffrances dont cette vie est sommée, il est bien rare que notre âme n'acquiert pas un nouveau degré de force et d'élévation que la prospérité ne saurait lui donner. Aussi, la pieuse Juliette, accablée sous le poids de ses regrets, mais résolue de se soumettre à la volonté divine, n'importuna plus ceux qui l'entouraient par ses plaintes ni par sa douleur. Elle souffrit en silence, et ne parut même pas s'apercevoir des privations et des maux qu'elle continuait d'endurer pendant la route. Ces maux, qu'étaient-ils à ses yeux, auprès de la perte qui l'avait frappée? Enfin, après avoir partagé tous les désastres que notre malheureuse armée continuait d'éprouver dans sa retraite, l'orpheline et ses compagnons, réduits dans l'état le plus déplorable, arrivèrent à Varsovie, et se dirigèrent ensuite vers Strasbourg, où Monsieur et Madame Durval avaient des relations de commerce assez étendues. Ses époux, presque entièrement ruinés par l'incendie de Moscou, comptant se rendre incessamment aux États-Unis pour y rétablir leurs affaires, furent contraints d'annoncer à la pauvre orpheline l'obligation où ils étaient de se séparer d'elle. Cette nouvelle lui causa un profond accablement, car, pendant le funeste voyage qu'elle venait de faire, ces deux personnes avaient eu pour elle des soins trop affectueux, pour qu'elle n'en fût pas reconnaissante, et sa séparation, dans son isolement, était une nouvelle peine qu'elle sentit vivement. Désolée aussi de la quitter, quand leur appui lui était encore si nécessaire, les deux époux l'engagèrent à essayer, avant leur départ, de se placer soit en qualité de gouvernante auprès de jeunes enfants, soit comme sous-maîtresse dans quelque institution de Strasbourg, afin qu'il pût s'emporter, se séparant d'elle, quelque tranquillité sur son sort. Juliette consentit à ce projet, et diverses personnes recommandables l'ayant secondée, on lui proposa, peu de jours et après, un emploi chez la femme d'un négociant, dont l'opulence était renommée dans toute la province, et qui avait deux petites filles, qu'elle voulait faire élever sous ses yeux. Ce ne fut pas sans peine cependant que la jeune moscovite se décida à se présenter chez la dame à laquelle on l'avait annoncé. Sa timidité naturelle, le sentiment profond de son malheur, le cruel apprentissage qu'elle allait faire d'une situation si nouvelle, et presque toujours si pénible pour les personnes qui sont forcées de l'accepter, tout excitait dans son âme un redoublement de tristesse et de découragement. Mais enfin il fallait vivre, il fallait aussi soutenir l'existence de l'ami dévoué, qui avait partagé son infortune, et dont le sort était désormais lié au sien, elle se résigna. Le cœur brisé, la pâleur sur le front, un infortuné s'achemina avec Madame Durval vers l'habitation de Madame V, mère des deux enfants. Jamais peut-être le luxe des plus beaux hôtels de la capitale n'avait surpassé celui qui se faisait remarquer chez le simple négociant. On eût dit que les maîtres de cette riche demeure, ne pouvant imposer le respect par des titres de noblesse, que tant de gens affectent de dédaigner, et que tous envient à ceux qui les possèdent, voulaient éblouir la foule par la somptuosité qu'ils affichaient. Madame Durval en fut émerveillée, et ne put s'empêcher de témoigner son admiration à sa jeune compagne. « Ah ! Madame, lui répondit la pauvre enfant, que les discours et les regards effrontés d'une foule de valets avaient mis au supplice en arrivant, je ne saurais admirer avec vous cet étalage fastueux, j'avoue que j'aurais bien préféré trouver, à la place de tant d'opulence, une modeste habitation qui fût plus en rapport avec la position sociale des maîtres, et qui m'eût donné une idée plus favorable de l'urbanité et de la simplicité de leurs mœurs. On les avait introduites dans un vaste salon, où elles attendirent impatiemment le bon plaisir de madame, à laquelle on était allé les annoncer. Pendant cette attente qui dura un temps considérable, une élégante femme de chambre passa plusieurs fois devant elle, toisant l'orpheline avec un sourire dédaigneux et qui semblait lui dire « Ici j'aurai le pas sur vous ». Peu d'instants après, la même femme reparut avec deux petites filles, dont l'air maussade et hautain annonçait déjà la mauvaise éducation. Elles ne saluèrent point en entrant, et, après avoir regardé Juliette d'une manière stupide, celle qui paraissait la plus âgée dit à sa bonne, assez haut pour être entendue, « Mon Dieu, qu'elle a l'air triste. Pourquoi est-elle ainsi vêtue de noir? Je ne veux pas d'une gouvernante habillée comme cela. » Juliette, quand les petites filles se furent retirées, exprima à sa compagne toute la répugnance qu'elle éprouvait à se charger de pareils élèves, mais Madame Durval, qui ne voulait pas que ses soins fussent perdus, lui répondit assez sèchement, « Patience, mademoiselle, patience, il faut, avant tout, voir madame. » On la dit très généreuse quand on sait lui plaire, d'ailleurs les emplois de gouvernante ne sont pas communs dans cette ville, celui-ci est le seul qui s'y trouve en ce moment, il y aurait folie à ne pas l'accepter. La pauvre enfant, qui vit qu'elle n'était pas comprise, se tut et se soumit à une entrevue, dont elle n'aurait qu'un surcroît de souffrance. Enfin un domestique parut, et leur dit que madame y consentait à les recevoir, puis, les ayant fait traverser plusieurs pièces plus magnifiques les unes que les autres, il ouvrit la porte d'un charmant boudoir au fond duquel la dame du lieu, était nonchalamment couchée sur un divan, que foulait aussi un horrible carlin. M5 était une femme de 28 ans environ, qui n'avait jamais été jolie, mais qui avait toutes les prétentions capables d'en laidir la beauté elle-même. Ses manières froides et hautaines annonçaient un esprit étroit et plein d'arrogance. Une femme d'un certain âge, à l'air dur et commun, les deux petites filles que Juliette avait déjà vues, et la femme de chambre au regard impertinent, étaient auprès d'elle, formant comme une espèce d'aréopage, qui s'apprêtait à juger du mérite de la pauvre étrangère. Approchez, mademoiselle, lui dit Madame Cinq en lui montrant un siège, on m'a dit que vous cherchiez une place de gouvernante. Je la désirais, en effet, madame. Il ne suffit pas de la désirer, il faut savoir si vous êtes en état de la remplir. Avez-vous déjà fait quelque éducation? Non, madame. Comment alors comptez-vous présider à celle de mes filles? C'est un métier qui ne s'apprend pas à volonté. Je comptais, madame, mettre en pratique les leçons que j'ai reçues moi-même et qui sont fidèlement gravées dans ma mémoire. Cela ne saurait remplacer l'expérience. Aujourd'hui on se croit propre à tout, quand souvent on n'est propre à rien. Vous êtes née en Russie, je crois, j'aurais préféré une Anglaise. Cependant on pourrait essayer. Quel âge avez-vous? 18 ans, madame. C'est bien jeune. Vous avez, m'a-t-on dit, perdu votre mère? Ici Juliette essaya vainement de retenir ses pleurs. Mon Dieu, je comprends votre peine, reprit Madame I, mais elle est sans remède, et si je vous prenais pour être auprès de mes enfants, il ne faudrait pourtant pas toujours pleurer ainsi, ces chères petites en seraient attristées, déjà, je dois vous le dire, elles m'ont déclaré que votre air, et vos vêtements de deuil leur déplaisaient, elles sont si peu habituées à voir le malheur. Je le crois, madame, et cette remarque m'avait tellement frappé en entrant ici, que je regrettais de vous avoir fait prier de m'admettre en votre présence. Pourquoi, si vous me promettez de n'être pas toujours ainsi, et surtout de ne jamais les contrarier? C'est une double promesse, que je ne saurais faire sans craindre de me démentir. Mais, en obtenant un emploi dans ma maison, il faudra pourtant bien vous soumettre à ma volonté, et vous efforcer de plaire à vos élèves, c'est là le premier soin que j'exige d'une gouvernante. Que savez-vous en fait de talent d'agrément? C'est un sujet inutile à traiter entre nous, madame, je ne pense pas vous convenir sous les autres rapports, et je vous demande la permission de me retirer. En même temps, Juliette, s'est enlevée, salua déjà pour sortir, lorsque Madame Durval, qui n'avait pas senti comme elle, tout ce qu'avait de choquant le ton et le langage de Madame Cinq, se rapprocha de cette dernière, et se mit à lui vanter sa protégée, de manière à lui donner l'envie de se l'attacher. Mais la résolution de l'orpheline était prise, elle avait prévu, dès le premier instant, qu'une femme d'une telle trempe ne serait jamais propre, qu'à détruire les soins que l'on prendrait pour l'éducation de ses enfants, et elle avait trop d'élévation dans les sentiments pour accepter des fonctions qui n'eussent mis sans cesse en contradiction avec les devoirs qu'elle se serait imposés. La suite de l'entretien de M5, n'ayant fait que la confirmer dans cette opinion, elle refusa, au grand regret de sa compagne, et peut-être aussi de la femme opulente, tous les avantages qu'on lui offrit, et sortit du magnifique hôtel, plus triste, plus découragée encore qu'auparavant. De retour auprès de Marianne, elle épancha devant cette amie dévouée les sentiments pénibles, qu'elle s'était efforcée de renfermer devant Madame Durval. Le seul instinct du cœur les fit comprendre à la bonne veuve, aussi mit-elle tout en œuvre pour la consoler et relever son courage. Cependant il fallait prendre un parti, les deux époux allaient quitter Strasbourg, et Juliette ne voulait pas rester à présent dans une ville où il lui avait été impossible de se placer convenablement. Enfin, le cœur brisé, sans autre ressource qu'une modique somme, qui pouvait à peine fournir à ses besoins pendant quelques mois, et n'ayant nul autre appui dans le monde que sa compagne d'infortune, elle prit avec cette dernière la route de Paris, où Monsieur Durval lui avait conseillé de se rendre, l'assurant qu'elle y trouverait plus aisément à se créer des moyens d'existence dans la carrière de l'enseignement, bien moins encombrée par les femmes. À cette époque, qu'elle ne laisse de nos jours. Des lettres adressées par cet homme obligeant à diverses personnes, qu'il avait connues avant son séjour en Russie, semblaient devoir encourager les espérances de l'orpheline, et pourtant, que d'inquiétude, que d'amertume restait attachée à sa situation. Assise à côté de la fidèle Marianne, au fond de la diligence où les avaient conduites leurs anciens compagnons de voyage, elle dévore ses larmes, car, dans certaines âmes, le chagrin a sa pudeur, il ne peut souffrir les regards curieux et indifférents. Aussi Juliette n'ose même pas lever les yeux sur les personnes qui l'entourent, elle sent qu'elle est au milieu d'étrangers, auxquels sa tristesse n'inspire aucune sorte d'intérêt. Hélas, ce sont encore des étrangers qu'elle trouvera au terme de la route, aucun témoignage d'affection ne viendra l'accueillir quand elle arrivera dans la cité où sa mère a vu le jour. Peut-être y a-t-elle encore quelques parents éloignés, elle a du moins entendu dire, mais ils ignorent son existence, et elle sait à peine leur nom. Qu'irait-elle d'ailleurs chercher auprès d'eux, elle ne leur paraîtrait qu'une charge importune. Non, non, se dit-elle, je n'irai pas implorer le secours de la pitié, Je travaillerai, et Dieu daignera soutenir les efforts de la pauvre enfant qui n'a plus de mère. Cette dernière pensée releva un peu le courage de Juliette. Biais depuis la perte qu'il avait frappée, ses forces physiques étaient presque entièrement abattues. Une fièvre continuelle, augmentée encore par l'excès de la fatigue, la dévorait intérieurement, et elle eut à peine passé quelques heures dans la voiture, que, sentant redoubler ses souffrances, elle craignit d'être hors d'état de continuer son voyage. Pour comble de maux, le chemin qu'elle parcourait était couvert de neige, et la diligence n'avançait qu'avec une lenteur désespérante. Plusieurs fois l'infortunée fut sur le point de demander à descendre dans une des maisons qu'elle apercevait sur la route, et toujours la crainte d'alarmer sa compagne la retenait. Elle prit cependant la résolution de s'arrêter dans la première ville, qu'elle trouverait sur son passage, si le mal continuait à l'accabler d'une manière aussi violente, mais pour cela il fallait encore attendre plusieurs heures, et cette attente la mettait au supplice. Quels que fussent ses efforts pour renfermer ses plaintes, Marianne ne tarda pas à s'apercevoir de son état. Déjà l'excellente femme se livrait aux plus vives alarmes, quand tout à coup, près d'arriver à un village assez considérable, dont on voyait le clocher et les premières maisons, la voiture fut emportée avec une rapidité extraordinaire. Cette voiture descendait en ce moment une côte assez élevée, que la neige rendait très glissante. Aucune précaution n'avait été prise, le postillon, troublé, n'étant plus maître des chevaux, abandonna les rênes, et la voiture, après avoir parcouru en quelques secondes un grand espace, fut renversée au bord d'un ravin profond, où le moindre mouvement pouvait la précipiter. Heureusement cet accident eut lieu presque à l'entrée du village. Plusieurs personnes, parmi lesquelles se trouvaient un vénérable ecclésiastique et un homme décoré, accoururent au secours des voyageurs, qui tous, plus ou moins meurtris, se hâtèrent de sortir de la fatale voiture. Juliette était hors d'état de suivre leur exemple, car une violente contusion à la tête, lui avait presque entièrement ôté l'usage de ses sens, et Marianne, désespérée, la soutenait dans ses bras, en suppliant les assistants de venir à son aide. Aussitôt on s'empresse, la jeune personne, toujours évanouie, est retirée de la diligence avec toutes les précautions possibles, peu d'instants après on la place sur une chaise à bras, et on la transporte au village. Marianne demande que l'on s'arrête à la première chaumière qui se présente, mais l'ecclésiastique lui fait observer que sa compagne n'y recevrait pas tous les secours nécessaires à sa situation. Enfin, au bout de quelques minutes, on se trouve devant un très beau château, pressé, dès d'une longue avenue. Les porteurs tournent de ce côté, plusieurs dames viennent au devant de la jeune étrangère, et lui prodiguent des soins, tout est inutile, rien ne parvient à la rappeler à la vie, et Marianne, toujours plus désespérée, est près de tomber dans le même état. Des ordres avaient été donnés pour aller chercher un médecin. Il arriva peu d'instants après, examina la malade, et, l'ayant aussitôt fait placer sur un lit, il lui pratiqua une saignée, après laquelle elle parut se ranimer un peu. Ses regards se portèrent d'abord sur Marianne, dont tous les traits peignaient la vive inquiétude. Elle voulut lui parler, elle n'en eut pas la force, et ses yeux s'apesantirent de nouveau. Le docteur paraissait inquiet de l'état du pouls. Déjà, par diverses questions adressées à Marianne, il avait appris les malheurs récents de l'orpheline, et ne doutait pas qu'ils n'eussent autant de part à la gravité de son état que l'accident qui venait de lui arriver, aussi recommanda-t-il de la laisser dans un calme absolu, et d'éviter surtout qu'elle éprouvât aucune espèce d'émotion. Les maîtres de la maison s'étaient retirés au moment où on l'avait couchée, laissant auprès d'elle une femme qui eut ordre de veiller attentivement à tous ses besoins et à ceux de sa compagne. L'ecclésiastique avait aussi quitté la chambre, mais jugeant, comme le docteur, que l'état de la malade était assez grave, il attendit dans la pièce voisine, pour s'assurer si elle n'aurait pas besoin des consolations de la religion. Marianne l'aperçut en reconduisant le médecin, et lui annonça que Juliette venait de tomber dans un profond sommeil. Les pleurs de la pauvre femme continuaient de couler, car elle avait encore de vives alarmes, et son cœur, si plein de tristesse, s'épancha devant le vénérable vieillard, en lui racontant son malheur et celui de la jeune moscovite, dans des termes si naïfs, si touchants, qu'elle augmenta encore l'intérêt, dont il se sentait déjà pénétré. Monsieur de Bonnier, c'est ainsi que se nommait cet homme compatissant, joignait à toutes les vertus de son état, une haute sagesse et une sensibilité profonde, qui l'étendait sur tous les êtres souffrants. Le plus à plaindre était toujours celui qui l'accueillait avec le plus d'empressement et de bienveillance. Jamais un froid égoïsme n'avait fermé son cœur à la pitié, tout ce qu'il possédait était le patrimoine du pauvre. curé de Puydian au village de Berre, il n'avait pas passé un seul jour, une seule heure de sa vie, sans s'occuper d'améliorer, par ses secours, son crédit ou ses conseils, le sort de ses paroissiens, et sans chercher à réveiller parmi eux les sentiments religieux que les orages politiques y avaient effacés. Sa piété douce et persuasive allait, sans jamais se lasser, cherchant l'impie jusque sous son toit, et presque toujours elle sortait victorieuse de la lutte où elle s'engageait, car les âmes les plus endurcies ne pouvaient lui résister. Il était impossible qu'un homme d'un tel caractère ne fût pas profondément touché des malheurs de cette jeune étrangère, qu'on lui peignait si douce, si vertueuse et si délaissée. Après avoir témoigné à Marianne tous les sentiments de bienveillance qui étaient dans son cœur, il rentra avec elle auprès de l'intéressante malade, qui, peu d'instants après, se réveilla. Agréablement surprise en voyant devant elle la figure vénérable du vieillard, elle parut réfléchir, et demanda où elle était. « Vous êtes, mademoiselle, répondit monsieur de Bonnier, chez des personnes parfaitement honorables, chez le colonel baron de Granville, qui prend, ainsi que sa famille, un vif intérêt à votre situation. Vous me permettrez d'ajouter, que vous voyez en moi un ami sincère, tout disposé à vous servir, et à vous offrir des consolations. » Juliette joignit les mains, puis jeta sur le pasteur un regard plein de reconnaissance, mais, trop faible pour la lui exprimer, elle referma les yeux, et l'on vit aussitôt deux ruisseaux de larmes couler sur ses joues. « Pauvre enfant, dit monsieur de Bonnier, comme son cœur est rempli de tristesse. » Et, se mettant à genoux, il pria tout bas pour la jeune infortunée, qui lui offrait en ce moment l'image la plus touchante de la douleur. S'étant ensuite aperçu qu'elle était retombée dans un sommeil assez paisible, il sortit avec précaution, recommandant à Marianne de le faire avertir, si l'orpheline désirait le revoir, et alla rejoindre le baron de Granville, qui l'attendait avec impatience pour savoir des nouvelles de la jeune voyageuse recueillie dans sa maison. Ce brave militaire, ancien élève de monsieur de Bonnier, se montrait digne d'un tel maître, car il joignait aux talents les plus distingués une noblesse de sentiments, et une bonté de cœur que le contact du monde n'avait pu altérer. Aussi franc que loyal dans ses relations, il était généralement honoré, et il ne lui manquait, pour être heureux, que d'avoir dans sa femme une âme qui répondit à la sienne. Le caractère de la baronne de Granville n'avait, en effet, aucune sorte de sympathie avec celui de son époux. Mariée fort jeune, sans avoir aucune notion des devoirs de son nouvel état, et naturellement très légère, elle n'avait vu d'abord que le côté brillant de sa situation, puis s'était jetée à Paris dans le tourbillon du grand monde, ne songeant qu'à y faire remarquer sa beauté et le faste qu'elle y afficha. Malheureusement monsieur de Granville avait été obligé de la quitter immédiatement, après leur mariage pour se rendre à l'armée, la laissant sous la conduite d'une tante qu'il croyait capable de la diriger. Celle-ci, au contraire, quoique déjà d'un âge assez avancé, joignait, à tous les travers d'une femme futile et orgueilleuse, un goût effréné pour les plaisirs du monde. Bientôt la maison de sa nièce fut montée sur le pied le plus opulent, et dans l'espace d'une année la dot que cette dernière avait apportée à son mari, se trouva entièrement dissipée. Éclairé trop tard sur un tel abus de confiance, mais trop généreux pour faire peser sur sa jeune épouse tout le poids de son indignation, le colonel, de retour auprès d'elle, se borna à lui montrer le tort qu'elle s'était fait à elle-même, en se retirant pour l'avenir, l'opulence à laquelle elle attachait tant de prix. L'ayant séparée ensuite de sa tante, pour laquelle il ne pouvait plus avoir aucune sorte de considération, il l'emmena en Lorraine, où il possédait une fort jolie propriété, et lui promit encore le bonheur, si elle voulait se conformer au genre de vie qu'il désirait lui faire adopter. La douceur de ses manières, la tendre indulgence qu'il lui montra, surent d'abord triompher du dépit qu'elle ressentait d'être ainsi séparée du monde, et des vains plaisirs qu'elle y avait goûtés. Renfermant son humeur et ses plaintes, elle s'efforça de sourire à sa nouvelle situation, mais le fond du caractère resta le même, et il fallut toute la fermeté du colonel pour parvenir à établir dans sa maison l'économie. Eux, qui étaient devenus indispensables à l'état présent de sa fortune. Cependant la baronne le rendit père d'une petite fille, et 5 ans après il eut le bonheur d'attirer auprès de lui le digne précepteur qu'il avait élevé. Alors sa vie désenchantée prit un tout autre aspect, chaque fois que son service lui permettait de revenir à Berre, il y retrouvait, sinon une félicité parfaite, du moins les caresses de sa chère petite Lucie, qu'il adorait, et les consolations de l'ami de sa jeunesse, dont il ne se lassait pas d'admirer les vertus. Telle était la famille où la Providence avait conduit Juliette et Marianne. Quand monsieur de Granville eut entendu le rapport de son ancien maître, Son intérêt pour la jeune étrangère s'accrut encore, et il s'estima heureux de pouvoir exercer envers elle une généreuse hospitalité, car, venant de partager aussi les désastres de Moscou, mieux qu'un autre il pouvait apprécier ce qu'elle avait dû souffrir pour continuer son voyage, après la perte qui l'avait frappée. Tout pénétré encore du récit de Monsieur de Bonnier, le colonel rentra au salon, où la baronne et sa fille faisaient compagnie à quelques dames du voisinage. Toutes à la fois le questionnèrent sur la jeune voyageuse, et quand il leur eut appris ses malheurs, tout aussi s'extasièrent sur le courage qu'il lui avait fallu pour supporter tant de maux. « Je serais morte mille fois si j'avais été frappée de semblable adversité, » s'écria la jeune Lucie, « car elles me paraissent au-dessus des forces humaines. » « Sans doute, mon enfant, » répliqua la baronne, « mais il faut bien espérer que tu n'y seras jamais exposée. » Il est probable que cette jeune personne est née dans une classe où l'on est forcé de s'exercer de bonne heure à supporter les peines de l'esprit et les fatigues du corps, sans quoi elle eût inévitablement succombé sous le poids de tant de désastres. Cette jeune personne, reprit gravement Monsieur de Bonnier qui venait d'entrer, paraît, au contraire, avoir été élevée avec tous les soins, toutes les délicatesses de l'opulence, ses parents tenaient, m'a-t-on dit, un rang honorable à Moscou, mais tout porte à croire que, par une éducation solide, appuyée sur la religion, il saura prémunir, dès son enfance, contre les peines et les revers qui peuvent atteindre toutes les classes de la société, c'est là, sans doute, ce qui a fait sa force quand l'heure de la souffrance est arrivée pour elle. La baronne rougit en entendant les paroles du vieillard, mais elle n'osa y répondre, de peur que son mari ne lui fît quelques réflexions peu flatteuses sur l'opinion qu'elle venait d'émettre si légèrement devant sa fille. Quoiqu'ayant tous les défauts d'un esprit futile et peu cultivé, la mère de Lucie n'était cependant pas dépourvue de qualités attachantes, son cœur avait de la bonté, de la générosité même, et si la légèreté étouffait quelquefois ses heureuses dispositions, son premier mouvement la portait toujours à se montrer compatissante envers l'infortune qui réclamait son appui. Aussi celle de l'orpheline la toucha si sincèrement, qu'elle redoubla d'attention pour que tous les soins lui fussent prodigués. Pendant plusieurs jours ses soins n'eurent aucun succès, la pauvre malade paraissait toujours dans le même état, et Marianne ne cessait de verser des larmes. Enfin la force de la jeunesse triompha de la maladie, Juliette reprit entièrement connaissance, et le premier usage qu'elle en fit, fut d'ouvrir son cœur au saint vieillard, qu'elle avait vu assidûment à son chevet, comme un ange consolateur. Monsieur de Tournay ne put lire dans cette âme pieuse et candide sans ressentir les plus douces impressions, et se lut avec un véritable bonheur, qui la placerait les bénédictions célestes. « Allons, mon enfant, » lui dit-il ensuite, « reprenez courage, et Dieu, tôt ou tard, récompensera votre résignation dans l'adversité, et votre constance dans la vertu. C'est sa divine providence qui a tout conduit, adorons ensemble ses décrets, et voyez en moi désormais un ami, un second père, qui sera toujours prêt à vous soutenir au milieu des écueils, dont cette malheureuse vie est semée. » Profondément touchée de ce langage, Juliette remercia le digne prêtre avec toute la sensibilité dont son âme était capable, et lui témoigna ensuite le désir d'exprimer sa reconnaissance à ses généreux hôtes, qu'elle n'avait pas encore vus, mais dont les soins la pénétraient. Le médecin, qui arriva, s'opposa à son dessein, en lui prescrivant pendant quelques jours encore un repos absolu, et il recommanda qu'on ne laissât entrer personne auprès d'elle, excepté le bon curé dont la présence paraissait lui être si agréable. Quelles que fussent les craintes du docteur, Juliette se trouva beaucoup mieux dès le lendemain, car elle avait puisé dans les consolations de la religion, et dans la touchante bienveillance de celui qui la lui avait offerte, une force que tous les secours de la médecine n'auraient pu lui rendre. Peu de jours après, elle fut en état de se lever, et d'aller jusqu'à une grande pièce peu éloignée de sa chambre, où elle se promena, appuyée sur le bras de sa fidèle Marianne, qui ne savait comment exprimer sa joie de l'avoir enfin rendue à la vie. La pièce où elle se trouvait à leur compte. Il y a une bibliothèque et divers instruments de musique, parmi lesquels Juliette remarqua un très beau piano qui était ouvert. Tous ces objets la reportèrent au temps de son bonheur, à ce temps où, entourée d'une famille chérie, sa jeunesse s'écoulait au milieu d'études agréables, et de témoignages d'affection. Un instant ses pleurs coulèrent avec amertume, mais se rappelant bientôt les avis du saint vieillard, elle chercha à s'arracher à ses tristes pensées en s'approchant du piano. Juliette aimait passionnément cet instrument, sur lequel elle avait acquis une grande habileté. Ses doigts se promenèrent d'abord sur les touches d'une manière distraite, mais peu à peu l'attrait de la musique, L'emportant sur ses tristes préoccupations, elle se mit à jouer un morceau très difficile, qu'elle trouva sur le pupitre, et l'exécuta avec une telle perfection, que la bonne Marianne, qui ignorait qu'elle possédait un tel talent, l'écouta dans une véritable extase, n'osant se mouvoir de peur de l'interrompre. Pendant que l'une et l'autre étaient ainsi occupées, elles ne s'aperçurent pas que l'on avait furtivement ouvert une porte, à travers laquelle une jeune personne de 15 ans environ glissait sa jolie tête pour écouter. Juliette la vit dans une glace placée au-dessus du piano, et, se levant aussitôt, elle parut un peu troublée, mais la jeune fille la rassura en accourant vers elle, et en lui disant avec un charmant sourire : « C'est moi, c'est Lucie, n'ayez pas peur. Monsieur le curé ne voulait pas que j'ouvrisse cette porte, mais je n'ai pu résister à l'envie que j'avais de vous voir. Maintenant continuez de jouer, je vous prie, car papa et maman sont là avec monsieur de Bonnier, ils vous écoutaient aussi, et vous me feriez gronder si vous les priviez de vous entendre. » En cet instant le bon curé entra, suivi de monsieur et de madame de Granville. L'orpheline put alors exprimer aux deux époux toute la reconnaissance dans son cœur, était pénétrée pour leur généreuse hospitalité. Pressée ensuite par la baronne, et par Lucie de se remettre au piano, elle ne voulut pas se faire prier, et joua d'abord avec un peu d'hésitation, mais bientôt son exécution sera fermée et devint aussi pure que brillante. On lui demanda successivement deux morceaux, qui présentaient les plus grandes difficultés, elle les joua à livre ouvert avec une telle habileté, une telle perfection, que ses auditeurs furent dans un véritable ravissement. Comblée d'éloges par la baronne, elle n'affecta point cette fausse modestie, qui n'est trop souvent qu'un voile dont la vanité se pare, mais elle répondit avec une sensibilité profonde : « C'est à ma mère, madame, que je dois ce que vous daignez louer. Hélas, ses leçons ont été ravies trop tôt. Son ouvrage cependant ne paraît pas être resté imparfait, dit monsieur de Granville, je suis sûr, mademoiselle, que le piano n'est pas le seul talent que vous possédiez. Veuillez nous dire quelles ont été vos autres études. » « Oui, ma chère enfant, reprit monsieur de Bonnier, qui jouissait des succès de sa jeune protégée et qui avait ses vues, « oui, dites-nous tout ce que vous avez appris, parlez avec confiance, ce sont des amis qui vous écoutent. » Juliette, toujours plus émue, lui se retraçant tout ce qu'elle devait aux soins de ses mères, répondit : « J'ai étudié l'histoire sainte surtout, la géographie, les langues russes, italiennes et françaises, et je me suis un peu essayée à la peinture. Comme vous vous êtes essayée au piano, peut-être, interrompit la jeune Lucie Zéro, mademoiselle, que vous êtes heureuse de savoir tant de choses, et que je voudrais vous ressembler. » Un peu confuse de la réflexion de sa fille, dont l'instruction avait été jusqu'alors fort négligée, la baronne se hâta d'interrompre un entretien qui la mettait mal à l'aise, et Juliette se retira après avoir renouvelé ses remerciements de toutes les bontés dont on l'avait comblée depuis son entrée dans la maison. Plusieurs jours s'écoulèrent, la jeune convalescente reprit enfin ses forces, et se fit aimer de plus en plus dans la famille de Granville, par les grâces de son esprit, son inaltérable douceur, et toutes les vertus qui brillaient en elle. Quelque fut néanmoins la bienveillance qu'on lui témoignait, elle songea qu'elle ne pouvait prolonger plus longtemps son séjour chez ses généreux hôtes sans risquer d'abuser de leur bonté, et parla de la nécessité de son départ au vénérable pasteur, qui était devenu son guide et son appui. Le bon vieillard, tout en approuvant la délicatesse des sentiments qu'elle exprimait, lui dit de ne rien précipiter, parce qu'il pensait avoir trouvé un moyen de la fixer auprès de lui. Une heure après qu'il eut quitté, Juliette fut mandée par le colonel, qu'elle trouva seule dans la bibliothèque. Jusqu'alors monsieur de Granville avait rarement adressé la parole à l'orpheline, et tout en ayant pour elle les plus grands égards, il s'était abstenu de mêler ses éloges à ceux que lui prodigua souvent la baronne, ainsi que toutes les personnes qui fréquentaient le château. En revanche, il avait étudié avec une grande attention dans ses moindres actions, comme dans ses moindres discours, et elle était devenue l'objet de toutes ses conversations avec monsieur de Bonnier. Juliette en l'abordant parut un peu troublée, car, bien que la figure du baron peignît une grande bonté, une profonde mélancolie, qu'il n'était pas toujours le maître de renfermer, lui donnait habituellement un air grave, qui imposait à la timide jeune fille. « Rassurez-vous, mademoiselle, lui dit cet homme, respectable en remarquant son embarras, l'entretien que j'ai pris la liberté de vous faire demander n'a rien, j'espère, qui doit vous être pénible. Monsieur de Bonnier, qui a su obtenir votre confiance, et qui la mérite à tant d'égards, a dû vous dire que ma famille et moi, nous vous portons un vif intérêt, mon désir serait de vous en voir convaincu. Vous m'en avez donné des preuves trop réelles, monsieur, répondit Juliette, pour que je puisse douter de ce généreux sentiment de votre part. Je viens pourtant d'apprendre que votre dessein est de nous quitter, vous déplairiez-vous donc parmi nous? J'espère, monsieur, que vous ne le pensez pas. Comment me déplairais-je au milieu de ceux qui ont exercé envers moi une si noble hospitalité? C'est à vous, c'est au soin dont vous avez daigné m'entourer, que je dois la vie, et ce souvenir me suivra partout, mais plus vos bontés et celles de madame, la baronne ont été grandes pour la pauvre étrangère, moins elle doit en abuser. Vous lui avez rendu la santé, il faut maintenant qu'elle use de ce bienfait en cherchant à se créer des moyens d'existence. Ces moyens sont tout trouvés, mademoiselle, interrompit monsieur de Granville, si vous daignez consentir à la proposition que je vais vous faire. Vous vous destinez à l'instruction, eh bien, chargez-vous de celle de ma Lucie, devenez son ami, sa compagne, le guide de sa jeunesse, réparez, par vos conseils et vos exemples, les défauts que lui a fait contracter la faiblesse, dont jusqu'ici elle a été l'objet, et vous acquérez ainsi des droits éternels à la reconnaissance d'un père qui vous tiendra compte de tout ce que vous ferez pour son enfant. Une telle marque de confiance, monsieur le baron, m'étonne autant qu'elle m'honore, répliqua Juliette profondément touchée, mais, en comprenant tout ce qu'elle renferme de flatteur pour moi, je n'ose l'accepter, parce que je me sens trop au-dessous de ce que vous attendez de mes soins. L'importante mission d'institutrice d'une jeune personne de 15 ans demande une expérience que je n'ai pu acquérir encore, j'ai à peine atteint ma 18e année, le peu que je sais pourrait, je pense, me servir auprès de jeunes enfants, ou dans une pension, mais que je devienne maintenant le guide d'une jeune personne, dont l'âge diffère si peu du mien, ce serait risqué, il me semble, de ne remplir qu'imparfaitement les devoirs qui me seraient confiés, et cette pensée troublerait mon repos. Une telle crainte pourrait être fondée, mademoiselle, reprit le baron, si chez vous la raison n'eût pas devancé l'âge. Vous parlez d'expérience, peut-être, en effet, vous manque-t-il celle du monde, mais vous avez celle du malheur, et d'un malheur éprouvé avec la plus courageuse résignation, celle-là surtout ce que je voudrais, que vous appréciez à ma fille, qui jusqu'ici a trop compté sur une heureuse situation dont elle jouit. Si je venais tout à coup à lui manquer, et la vie d'un militaire est assurément plus exposée que celle des autres hommes, son sort aurait à subir peut-être de douloureux changements, auxquels son éducation ne l'a nullement préparé. Enseignez-lui comment on supporte l'adversité, qu'elle puisse chaque jour dans vos touchants exemples l'amour de la religion, de la vertu, de l'or, du travail, inspirez-lui le goût de l'étude, et des talents que vous possédez, tâchez, en un mot, qu'elle vous ressemble, et vous aurez assez fait pour son bonheur. Du reste, continua monsieur de Granville, notre digne ami s'est chargé de vous seconder, sa prudence, sa sagesse guideront vos soins, et vous répondent d'avance du succès qu'ils obtiendront. J'ajouterai que l'excellente femme, qui vous a accompagné jusqu'ici ne vous quittera pas. Son caractère me paraît digne d'estime, et je comprends quelle sorte d'attachement vous devez lui porter, il est juste que vos amis acquittent le devoir de reconnaissance que vous avez contracté envers elle, en lui offrant auprès de vous une situation douce et tranquille. Ce discours avait ému Juliette jusqu'au fond de l'âme, et, quelles que fussent encore ses craintes, elle osa d'autant moins insister, que monsieur de Bonnier, qui entra en cet instant, l'engagea à accepter les propositions du colonel, lui promettant de diriger le plan d'éducation qu'elle aurait à suivre. Il fut donc arrêté qu'elle ne quitterait plus la jeune Lucie, et sa résolution fut à peine connue, que la baronne et sa fille vinrent lui en témoigner leur joie. Toutes deux, quoique d'un caractère fort opposé à celui de la jeune étrangère, n'avaient pu se défendre de prendre pour elle beaucoup d'attachement, parce que sa modestie, sa grâce, sa douceur produisaient généralement cet effet sur toutes les personnes qui étaient à même de la connaître. Madame de Granville, habituée d'ailleurs à gâter sa fille, et à n'exiger d'elle que très peu de choses en fait d'études, était ravie que le baron ait choisi une aussi jeune institutrice, espérant exercer sur celle-ci assez d'autorité, pour qu'elle se conformât à tous les caprices de son élève, qu'il fallait, disait-elle, rendre heureuse avant tout. Ses idées, qu'elle se gardait bien d'exprimer devant son mari, qui les eut sévèrement condamnées, la portèrent donc, non moins que son penchant naturel, à combler l'orpheline de témoignages d'affection. Cette dernière cependant était loin d'avoir banni toutes ses craintes sur les devoirs qu'elle venait de s'imposer, car elle était douée d'un jugement trop sain, pour que la légèreté de la baronne, et la faiblesse qu'elle montrait à sa fille eussent pu lui échapper. Sous ce dernier rapport, la mère de Lucie lui rappelait un peu Madame V de Strasbourg, et, quoiqu'il n'y eût aucune comparaison à établir entre ces deux personnes pour l'esprit, le cœur et les manières, Juliette n'en redoutait pas moins de rencontrer chez Madame de Granville quelques-uns des obstacles qu'elle eût inévitablement trouvés chez la femme du négociant. Renfermant cette inquiétude au fond de son cœur, elle ne la montra même pas à sa fidèle Marianne, parce qu'ayant appris de bonne heure à se taire sur les défauts qu'elle remarquait dans les autres, elle se croyait de plus obligée par la reconnaissance à ne pas faire connaître ceux d'une personne qui, jusqu'alors, ne lui avait donné que des témoignages de bonté. Moins réservée pourtant avec le sage vieillard, qui était le dépositaire de ses pensées les plus secrètes, elle osa lui parler à cœur ouvert à ce sujet, et lui dit quelle sorte d'entrave elle craignait de rencontrer. « Je les ai aussi redoutés pour vous, ma fille, » lui répondit Monsieur de Bonnier, « il se peut même que mes craintes aient dépassé les vôtres, parce que, témoin continuel de la mauvaise éducation que reçoit la jeune Lucie, je ne puis douter des peines que vous rencontrerez pour la réformer, mais j'ai cru pouvoir compter sur la bonté de votre cœur, comme sur votre raison. Il m'a semblé que vous étiez propre à corriger, par vos conseils comme par vos exemples, les défauts d'une enfant qui ne manque, ni d'intelligence ni de sensibilité, et à laquelle vous avez su inspirer l'art de son ignorance. C'est déjà un pas de fait. Il s'agit encore pour vous, il est vrai, d'une grande persévérance, d'une fermeté soutenue avec la mère et la fille, en même temps d'un dévouement sans borne pour toutes deux, mais si, toujours animé de la charité chrétienne, vous envisagez le bien que vous pourrez produire, ces choses vous deviendront faciles, et je vous réponds d'avance du succès de vos soins. » Le sage vieillard donna ensuite à sa protégée tous les avis qu'il crut les plus propres à lui aplanir les difficultés, et lui prescrivit de ne jamais se relâcher du plan d'éducation qu'elle adopterait, l'assurant que Monsieur de Granville approuverait tout ce qu'elle croirait devoir faire pour arriver à son but. Cette assurance était sans doute d'un grand poids pour l'orpheline, mais elle n'en redoutait pas moins la lutte qu'il lui faudrait soutenir contre la baronne, et cela ajoutait encore à l'amertume de ses regrets. « Ô ma mère, disait-elle, toi qui as formé le cœur de ta pauvre enfant, inspire-lui donc aujourd'hui tout le courage, toute la prudence dont elle aura besoin pour se conduire dans la route épineuse où ta perte est la jetée.